Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis. Je suis content de vous retrouver pour cet épisode numéro 8 de notre deuxième saison de démocratie participative. Nous sommes la première semaine de mars. Et je vous invite tout de suite, si vous ne le savez pas encore, à nous contacter sur notre boîte email démocratie participative en un seul mot et pas d'accent sur démocratie @mail.ru, démocratie participative @mail.ru. Je vous invite aussi à nous écouter prioritairement sur SoundCloud, la plateforme audio de notre émission. C'est là maintenant que ça se passe prioritairement, puisqu'on a été, comme vous le savez, censuré sur YouTube. Ceci étant dit, sur YouTube, retrouvez-nous aussi. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur YouTube parce que vous recevez les alertes pour les émissions qui vous renvoient aussi, ensuite sur SoundCloud. C'est pratique. C'est quand même important d'avoir une petite présence sur YouTube. Donc faites-le savoir autour de vous aussi. Facebook, évidemment. Abonnez-vous à notre page. Vous pouvez nous envoyer des messages aussi par ce biais. On en reçoit. C'est toujours utile. Et enfin, notre site internet, démocratieparticipative.biz. Démocratieparticipative.biz. Vous pouvez recevoir aussi les dernières news là-dessus. Alors, tout de suite, je vais présenter les membres de cette semaine, notre équipe. Hein. Salut Derek, comment ça va Derek ? Salut Gandalf, ça va très bien. Bien. Il fait beau par chez toi ou il fait froid ? Comment ça se passe ? Il pleut pour tout te dire. Ah merde, c'est pas très plaisant ça en effet. Fred ! Frédéric dans les villes, comment ça va ? Ouais, écoute, comme d'habitude, tout va bien. Des épinards, des protéines, tout ce que tu veux. Et j'imagine qu'on a des belles histoires de nègres à raconter cette semaine. Donc allons-y, c'est parti. Ah bah c'est Alice au pays des merveilles hein, cette semaine, hein, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Alexis, salut Alex. Salut à tous. Fulbert. Bonsoir à tous. Qui continue de bricoler hein, dans sa cave, Fulbert. Ouais. Oui, je confirmais simplement. Vas-y. Et MacDav. Salut MacDav. Salut les amis. Bon, les gars, cette semaine a été riche une nouvelle fois de divers en développement. En fait, à vrai dire, il y avait tellement de sujets, je ne peux pas tous les aborder. J'aurais aimé, mais je ne peux pas. On va commencer avec un petit débriefing de commentaires. J'ai un commentaire qui m'a marqué. Voici ce que nous écrit un intervenant. C'était il y a quelques jours. Alors, je vous lis tel quel le message. Hein. Retour de soirée, centre-ville de Toulouse. On en parlait la semaine dernière, la ville de Toulouse. Hein. En passant place Wilson, une bande de 5 arabes accoste un groupe de jeunes blancs composé de 2 filles et de 3 garçons et commence à s'en prendre physiquement à eux. Quelque chose de très rare, évidemment, en France. L'un des blancs, habitué de la salle de sport et ancien boxeur, s'est avéré plus fort que les 5 arabes réunis et les a tous couchés. Certains ayant dû aller à l'hôpital, la police s'en est mêlée. La place était sous vidéosurveillance. Il retrouve le blanc et le convoque au poste. Il s'y rend, inquiet. En arrivant, il s'annonce. Les agents et leurs présents au commissariat se sont tous rassemblés autour de lui et l'ont applaudi. Apparemment. Il se passait la vidéo en boucle et jubilait de cette victoire du blanc sur ses sales boucaques. Il ne l'avait convoqué que pour le féliciter. Alors, évidemment, c'est un commentaire. Est-ce que l'histoire est authentique ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je ne sais pas. Je vous l'ai livré et je fais confiance à votre sagacité pour en conclure ce que vous voulez. J'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, petite anecdote comme ça ? Non. On ne sait pas si elle est réelle, mais en tout cas, elle est vraisemblable. C'est, oui, alors déjà, l'agression des bougnoules sur des blancs à Toulouse, oui, alors ça, c'est clair que... Ça paraît. Mais après, comme on dit dans les manifs, la police avec nous. Hein. Bah, vu le niveau de frustration des flics, c'est-à-dire que eux, légalement, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, c'est sûr que ça doit leur faire plaisir de temps en temps quand les boucaques se prennent des coups dans la gueule. Hein. Surtout moi, je flic à Toulouse, quoi. Flic à Toulouse, c'est un petit peu. C'est un petit, enfin, c'est un phare du gauchisme. Quoi. Donc, c'est la ville rose, un des fiefs de la pédophilie socialiste. Enfin, c'est magnifique, Toulouse. Hein. Dominique Baudis et compagnie. Oui, ah, c'est, oui, ouais. C'est pandémonium, le truc. Ouais. Moi, je croyais que la police, c'était fasciste en France. C'est pas eux qui violent des nègres gratuitement avec des matraques, non, bah, non. Il faut croire, c'est pas. Là, ouais. Ils ont fait faire le boulot par d'autres. Hein. C'est... Ah non. Bon, bah allez, un salut aux éventuels policiers, gardiens de la paix et autres CRS qui nous écoutent, même s'ils nous tapent aussi sur la gueule hein, dans les manifs, mais bon, c'est fait partie du jeu. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical, chers amis, vous la connaissez évidemment, avec un premier sujet qui nous vient de Montpellier, donc un peu plus au sud. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'équipe qui fréquentent traditionnellement Montpellier, j'ai un souvenir de Montpellier dans les années 90, qui est assez exotique, j'y reviendrai peut-être. Je commence. Alors, à partir du 11 mars jusqu'au 14 avril, l'exposition de Yahad in Unum, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est du latin, je ne sais pas. Mémoire Rome sera présentée à l'hôtel de ville de Montpellier. Cette exposition présente les recherches de terrain menées en ex-Union soviétique et Roumanie, interviews de survivants roms et de témoins locaux de massacres. Composée de divers panneaux, l'exposition permet aux visiteurs d'appréhender le génocide des Roms à travers des extraits vidéo de survivants. Je sais pas, ils avaient des iPhones à l'époque dans les camps de concentration ? Je sais pas, je comprends pas la phrase. Des textes historiques, des photographies d'époque et contemporaines. La visite suit les quatre étapes du destin tragique, l'avant-guerre et la diversité des groupes roms. La guerre et l'arrestation, la déportation et l'assassinat. Donc ça s'est organisé par le père Patrick Desbois. Alors lui, on n'arrête plus de le voir. C'est quelqu'un oui, qui fait profession de ça. D'ailleurs, je crois qu'à mon avis, il doit faire plus souvent des expositions sur la Deuxième Guerre mondiale que célébrer la messe, le Curton, là. Et Philippe Sorel, hein, le maire de Montpellier, socialiste transfuge. Alors, il a quitté le PS entre-temps. C'est une exposition qui... J'ai deux, trois trucs à dire. Quelqu'un veut-il rebondir là-dessus sur le nouveau martyrologe des Roms, hein, c'est représentant éminent de la culture européenne. Bah, je voudrais dire que partout où ils passent sur cette planète, les Roms se font dégager, exterminer. Il y a un lien commun avec une autre population, là. Bah, c'est-à-dire que moi, je pose la question, qui n'a pas envie, ça serait plus rapide, de se demander qui n'a pas envie de génocider les Roms, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gens à l'éducation nationale qui étaient pourtant très gauchistes et qui, même eux, n'en pouvaient plus des Roms, quoi. Hein. C'est-à-dire que les Roms pouvaient même rendre des profs de gauche nazis. Donc, qui n'a pas envie de s'en débarrasser, c'est une bonne question. Ah, ils sont très très laids. Hein. Et vraiment, je sais pas d'où ça vient, ces traits, mais c'est absolument immonde. C'est des métissages un peu bizarres, quoi. Parce qu'ils viennent d'Inde à la base, hein, du nord de l'Inde à l'origine, il y a plus de 1000 ans. C'est un fait observable d'ailleurs que ils n'ont jamais disparu, quoi. Ils ne sont pas fondus dans les populations. C'est un corps étranger qui, après un millénaire, est resté étranger. Que ce soit en Slovaquie, en Roumanie, etc. C'est tout à fait particulier, quoi. Et c'est une population qui est universellement détestée, quels que soient les pays européens. Alors, vous connaissez. Alors, pourquoi il faut parler des Roms ? Moi, je pense que c'est important de parler des Roms. D'abord, c'est parce qu'on nous en parle. On nous en parle des Roms, vous savez, même ceux qui n'en voient pas, je veux dire, même si vous vivez dans le Cantal ou dans l'Aveyron, je veux dire, vous allumez votre télé. Bah, on n'en voit pas beaucoup, mais quand tu les vois, on le sent, hein, je te le garantis. Ah ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est olfactif, quoi. Non, mais là, c'est verticante et odorante. Voilà, c'est ça, Jean-Marie dans le tête. Ça s'est calmé, là, mais je me souviens à l'époque, là, à Marseille, là, t'avais des camps de Roms partout, quoi. Il y a 4-5 ans, ils étaient partout. Au bord, tu prenais le train, t'avais des espèces de bidonvilles, ils étaient arrivés comme ça. Bon, là, je sais pas ce qu'ils en ont foutu, ils ont dû leur filer du pognon, je sais pas trop. Mais ouais, non, mais. Ouais, à Marseille, moi, je me rappelle d'un épisode où il y avait eu des Maghrébins, voilà, qui vivaient dans les HLM. Alors, même les Maghrébins ne peuvent pas y supporter. Ouais. Ils pouvaient pas. Ils disaient non, c'est pas possible, c'est trop. Imagine quoi. Les Algériens trouvaient trop dégueulasse les Roms. Les Algériens, gênés par le bruit et l'odeur, on aura tout. Voilà, et alors par contre, les Algériens, pour le coup, ça a fait ni une ni deux. Hein. Ils sont déambulés, ils ont pris des barres de fer et tout, ils ont tabassé les Roms, ils ont dégagé à coups de pompe dans le cul et tout. Et je me rappelle, Du coup, ça avait fait polémique parce que la presse de gauche parisienne avait commencé à s'enflammer. Il parlait de nazis. T'sais, au début, il disait « Ouais, il y a une descente contre les Roms », mais il laissait supposer que c'était plus ou moins des fascistes blancs qui votaient Front National. Et puis en fait, quand les caméras sont allées sur place, on s'est rendu compte que c'est une cité HLM marseillaise avec que des Arabes. Et comment dire, il y avait des Arabes, mais surexcités, quoi. Ils disaient « Mais on n'en peut plus de ces gens, il faut que ça dégage ». Et je me rappelle qu'il y avait je ne sais pas si c'était la maire adjointe du secteur, je ne sais plus exactement, enfin c'était une élue, PS maghrébine, qui prenait la défense d'habitants en disant bah attendez, oui c'est peut-être un peu violent, mais enfin quand même ces gens sont juste insupportables, tu vois. C'était C'est Samia Ghali qui avait dit, qui avait fait une sortie. C'est elle qui avait pris fait des causes pour eux. Ouais, bien sûr. D'accord. Samia, là tu vois, il y a une alliance objective là, contre les Roms, quoi. Il y a un gars alliance... qui m'avait fait observer un truc. Alliance objective. Disait... Excuse-moi, mais alliance objective. Non, mais sur c'est tout mieux d'avoir le contraire. Ouais. Ah, je sais pas, mais j'irais pas manier avec des Roms non plus. Ouais, non, mais bon, mais... vu le nombre, quoi, qui sait qu'il peut... Ouais, ils sont détestables, les Roms, mais bon, voilà, ils sont pas nombreux non plus, faut pas déconner. C'est ouais, eux qui vont nous permettre de nous réconcilier avec les musulmans, c'est ce qu'avait dit Alain Soral une fois. Ouais, il avait dit ça. Ah oui, non, mais. Ouais, il avait dit ça. Je pense. Enfin, je me méfie, tu vois, du rom bashing à outrance. Donc, justement. Va, alors, j'avais un collègue qui m'avait dit ça, et je dis, j'en peux plus du rom bashing, comme tu dis. Parce que c'est tellement plus facile de tomber à bras raccourcis sur ces gens-là, alors que tu peux pas dire un mot sur les nègres, etc. Là. Et je lui donnais le point, c'est vrai. C'est vrai que. Je veux dire, sur les Roms, il y a des gens qui se font vraiment plaisir, même dans les médias, même si c'est mal vu, il y a quand même des trucs qui sont dites sur les Roms en public et dans les médias, qui sont strictement interdites sur les bamboulas, par exemple, quoi. Donc les Roms nuisibles jusqu'à rendre pour certains les bougnoules et les nègres sympathiques, quoi. Voilà. Ah, ils c'est ont... vraiment poussé le côté nuisible jusqu'au bout. Hein. Non mais c'est ils vrai que les Roms sont vraiment, c'est vrai, enfin dire c'est eux, c'est comment dire, c'est juste que dans la façon dont ils vivent, quoi, c'est-à-dire partout où tu fous un Rom, il va créer un bidonville, quoi, ça c'est un fait, quoi. Ouais, ça va être instantané. Même tu le vois le Rom, tu as envie d'y foutre un coup de savate dans la tronche, quoi. Bah, il est là rien que le fait qu'il se tienne, la façon dont il est, c'est carrément ouais. Horrible. Quoi. C'est super. Dans la catégorie apprendre à reconnaître les fils de pute, hein, ne passez pas sur ce sujet sans aller regarder les belles gueules d'enculés du père Patrick Desbois, n'est-ce pas, si vous ne le connaissez pas, et du maire de Montpellier, Philippe Sorel, hein, qui ont quand même des belles trognes de connards, hein, il faut le dire. Alors Sorel, lui, il a l'air d'être tendance gauche alternative. J'attrape tout ce qui passe. Il prend des écolos, des gauchis. Enfin, c'est. À Montpellier est une ville dont j'ai un souvenir impérissable. J'étais allé un petit peu à la fraîche là-bas dans les années 90. J'étais encore très jeune et je m'étais échoué dans un hôtel pas cher dans la banlieue de Montpellier. Je ne pourrais même pas vous dire le quartier. C'était rempli de gitanas, hein, c'est ça ? Ah non, non, alors là, c'est la première fois de ma vie que je découvrais les charmes du sud de la France. Enfin, j'allais souvent à Perpignan, mais ça ne m'avait jamais frappé à ce point-là, je veux dire. Il y a beaucoup de gitans à Perpignan, je le sais, hein, mais à Perpignan, ça ne m'avait jamais frappé, dans les années 90 en tout cas. Et alors, à Montpellier, je déboule, c'était Alger, quoi. Les bus étaient remplis de voilés, il y avait des bagnoles cramées, enfin, il y en avait plusieurs cramées sur les parkings. Et à un coup, je me rappelle, alors qu'on on revenait des courses au supermarché du coin, une 4L débaroule à fond sur l'avenue, les pneus crevés, repeintes avec des bombes de peinture à l'arrache et conduites par des nègres. Et j'avais croisé, et alors qu'on repartait à l'hôtel et qu'on marchait dans la rue comme ça, on croise trois ou quatre bougnoules, je sais pas pourquoi, ils nous regardent, moi je me retourne derrière comme ça, et puis le mec il me sort un cran d'arrêt, je sais pas pourquoi, et puis ensuite il est reparti dans sa direction, je sais pas, bon là je me suis dit ok, alors, je présume que c'est un maghrébin, maintenant c'est peut-être un gitan, j'en sais rien. Hein. Ouais, alors, c'était du peut-être coup, pour manger bébé, comme disent les Roms, ils ont un talent de la concision oratoire qui me font penser que ce sont vraiment les futures montagnes, comme disent les Roms. Ah ouais, non. Ouais, non. Manger Roms, bébé, manger bébé, manger bébé. Mais non, Montpellier, oui, un souvenir. Alors bon, j'ai visiblement pas vu le meilleur de Montpellier. Alors ceux qui habitent Montpellier... Bah moi j'y suis passé quand il y avait au début là, du tramway là, qu'ils ont fait. Et j'ai vu... Ouais. Bon, je suis passé comme ça, hein, pas longtemps. Mais voilà, j'ai quand même pu constater qu'il y avait de sacrés spécimens de punk à chien qui puaient dans cette ville. Ah ouais, c'est assez horrible. Hein. Ah bon, il y a des. Ah, comme y a à Toulouse, de la gauchiasse de haut niveau. Hein. C'est de la gauchiasse. Ah, bon de... ah ouais, je savais pas. Oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Concurrence avec Rennes alors. Ah, tu vois, des espèces de les souffleurs de feu, tu vois, les mecs. Bon. Oh non, laisse-moi tranquille. Ah oui, oui. Bon, d'accord. Alors, sur les Roms, pour en revenir, bon, vous avez vu le martyrologe sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les Roms, c'est intéressant, toute cette propagande. Parce que c'est assez récent, la propagande sur les Roms. Hein. C'est quelque chose qui a moins de 10 ans. Avant, vous savez, avant, il y avait les Juifs. Bon, les Juifs, le génocide des Juifs, bon, évidemment, très important, etc. Puis, il y avait toujours, je me rappelle, à l'école, il y avait toujours une petite mention. Oui, puis alors, les homosexuels et les Roms. C'est tout en bas, tu sais. Les homosexuels, maintenant, les Roms. Et les communistes, hein, ils nous disaient que les communistes aussi étaient persécutés. Ah oui, voilà. Ouais. Et alors maintenant, enfin depuis une dizaine d'années, il y a un gros effort sur les Roms, et je pense, en fait, que c'est simplement un... Pour eux, c'est une façon de mesurer l'opinion publique et son intolérance au parasitisme nomade, en fait. Et ils sont très sensibles aux réactions des Roms, parce que les Roms en eux-mêmes ne réagissent jamais. Je veux dire, les Roms, tu leur dis de dégager, ils savent pourquoi, et tu leur dis de dégager, ils posent jamais de questions, hein. De ce côté-là, même, les Roms sont assez simples à traiter. Hein. Je veux dire, moi, j'ai suffisamment eu d'expérience avec des Roms, etc., pour le savoir. Quand tu leur dis « casse-toi », il sait pourquoi tu lui dis, il n'insiste même pas. C'est toutes les organisations derrière qui se mobilisent et tout. Vous savez, tous les trucs, tous les ONG à la con, là. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce qu'en fait, pour eux, c'est juste un thermomètre, les Roms. Et donc, bah, ils font maintenant des expositions. Voilà, alors le martyr des Roms. Savoir pourquoi. Bon, bah, chers amis, voilà, premier sujet d'autisme radical. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce peuple qui a tant apporté à l'Europe, notamment au plan de la musique? Ah. Le jazz manouche, non? Non, c'est autre chose. Ah, le jazz manouche! Le jazz manouche serbe, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Oh, c'est pas les mêmes. Bah, c'est pas la même souche. Ils viennent pas du c'est même. C'est-à-dire que c'est une poubelle, mais avec une guitare dedans, en fait. Non, mais les tziganes. Bon, qui se sent là de nous expliquer les subtilités entre les tziganes et les Roms? Non? Je crois que c'est la Alexis, il avait l'air d'être inspiré, là. Non, mais c'est vrai qu'on dit Rom, on dit tziganes. Non, mais il y a même, on peut trouver des populations nomades qui sont blonds aux yeux bleus. Hein. Je sais que ça va pas tout à fait dans le sens de la propagande, hein, mais bon. Attends. Non, mais moi, je veux juste dire un truc. Moi, je ne confonds pas nomade. Ou forain par exemple avec la race. Je distingue bien, attention. Ouais, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas, il y a des populations qui viennent qui étaient un peu sur l'Allemagne ou sur l'Alsace, par exemple le jazz manouche, ça s'est pas mal développé là-dedans, où ils ont fait par exemple Django Reinhardt, il avait grandi plutôt en Alsace, mais ils étaient quand même itinérants après il y a les Roms qui viennent comme on a dit tout à l'heure de plutôt d'Inde ou je sais pas quoi mais Django Reinhardt il est pas d'origine c'est pas un aryen 100% je crois pas aryen non mais je sais pas faudrait voir en tout cas c'est pas je pense pas que ce soit la même famille que Leonarda personnellement. Ouais bah Leonarda ouais mais Leonarda ça c'est je pense que c'est du Rom qui doit être du Rom lointain quoi mais implanté en Albanie Kosovo non c'était pas son truc. Ouais qui a grandi il connaît en Croatie. Italienne de papier c'est immonde. Mais elle a un côté oui, Shrek hein. Elle ressemble beaucoup à Shrek je sais pas si vous avez fait gaffe que non pour moi c'est de la sous-humanité hein. C'est même pas Vous vous rappelez de Leonarda, il y avait son daron qui lui plottait les nichons sur à la télé et tout. Vous rappelez pas de ça? C'était le début de l'aventure François Hollande. François Hollande qui s'est terminé sous le trou du cul d'un nègre, hein, effectivement. Un homme qui menace Vladimir Poutine de tribunal international de la haie, qui est ferme vis-à-vis de Donald Trump, et puis qui par contre face à Leonarda se couche quoi. Donald Trump qui va donner des ordres. Hein. François Hollande qui va donner des ordres à Donald Trump, mais qui se fait dicter la loi par Leonard Vern. c'est magnifique. Un gros plan n'aurait pas osé, franchement. Bon, sujet numéro 2, chers amis. Suède, un clandestin érythréen ayant tué une mère et son fils veut rentrer chez lui car il trouve la prison suédoise trop dangereuse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du double meurtre qui s'était déroulé en Suède à l'été 2015. Il y avait deux migrants clandestins érythréens qui avaient assassiné une mère et son fils. Donc, dans le magasin Ikea en question, un grand magasin là-bas, ils s'étaient emparés de couteaux et avaient tué les deux personnes sur les lieux, même du, enfin dans l'enseigne, quoi. Et ils avaient été arrêtés. Ils avaient fait ça parce qu'ils avaient été ils avaient vu leur demande d'asile rejetée. Hein. Donc ils avaient protesté en assassinant une famille, ce qui me semble être oui. C'est... Bah, c'est la tradition érythréenne, quoi. Puis c'est la tradition, c'est la tradition suédoise en même temps. Tu vas chez Ikea, tu vas regarder des meubles, et en même temps tu te fais assassiner par un érythréen. Tu vois, c'est nouveau. C'est des combos. Et leur publicité aussi. Ça me rappelle un peu leur catalogue. Comment s'appelle ce truc, vous savez, là, le magasin, enfin, comment dire, la chaîne de sandwich, la fast-food, où tu peux composer ta salade, je sais pas si c'est pas des sandwichs, Subway, voilà, bah c'est pareil, mais sauf que c'est au niveau multiculturel, toi tu prends un peu de tout, tu prends du suédois, tu prends de l'érythréen, tu mélanges et t'attends pour voir ce que ça donne, bah ça donne Ikea avec un double meurtre, c'est pas mal, ouais. Vas-y, Fulbert, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, j'ai rien, je précisais simplement... que Ikea fait aussi de la promotion du nègre, du demi-nègre et compagnie par le biais de ses catalogues. En tout cas, c'est flagrant en Belgique. Ah oui, non, mais oui. Ah oui, bah c'est clair. Oui, avec typiquement, tu sais, la blonde, le nègre et le métèque au milieu. Alors, voilà. Sur le sofa, quoi, tu vois. Alors, ah bah, ça vient pas de Suède pour rien. Hein. Comment dire, enfin, bon, pourtant, je sais que le fondateur d'Ikea était... a été de nombreuses fois suspecté d'être un nazi, quoi. Ah bah, ses successeurs ont dû faire teshuva, en fait, hein, parce que c'est vrai que, putain, la Suède, ça y va, quoi. Niveau gauchiasserie... Et puis, et surtout, il faut voir aussi, hein, vous tapez, aller chercher les articles, hein, sur donc l'Érythréen, prison trop dangereuse, je sais pas quoi, vous allez voir la gueule de l'Érythréen, on dirait un cannibale qui mange ses propres enfants, quoi. Je veux dire, le truc, c'est... Enfin, il s'appelle Abraham Ougbagabir. Voilà, Ougbagabir, gougou. Voilà. Exactement. Le mec, gougou. Il a 37 balais, le mec. Et alors il a dit, j'ai été menacé, j'ai été régulièrement battu et menacé par mes codétenus. La prison suédoise est trop dangereuse. Je demande à retourner en Érythrée pour purger ma peine. Voilà, donc la tôle suédoise multiculturelle est même trop violente. Attends, la tôle suédoise est trop dangereuse. Je croyais qu'ils avaient droit à Xbox, qu'ils avaient même de l'argent de poche pour s'acheter des Kinder. Bah ouais, mais c'est aussi... juste qu'en Érythrée, il va pouvoir s'échapper tranquillement, tu vois. C'est ça, il va. Parce que tu sais, la tôle en Érythrée, à tous les coups, les murs sont en terre. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Suède, il a la PlayStation, mais en fait, il faut vraiment qu'il reste en prison. Alors qu'en Érythrée, tu vois, probablement qu'il peut creuser un tunnel et c'est fini. Ouais, sa famille paye un truc à je sais pas quel seigneur de guerre local, tu vois, et puis ça se règle comme ça, tu vois. C'est ça le truc, en fait. Ouais, c'est magnifique. Enfin, bref, non, voilà. Tout va bien en Suède, hein, parce que Trump avait été attaqué sur le fait, il avait dit en Suède c'est la merde et tout. On lui avait dit non, c'est n'importe quoi, il invente des trucs. Bon. Ouais. Oui, en fait, c'était ça. En fait, il avait pris la parole, c'était en Floride, je crois que c'est la semaine dernière. Hein. Ouais, c'est la semaine dernière. Il arrive en Floride, il fait un discours fleuve d'ailleurs sur différents sujets, puis il dit regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui s'est passé en Belgique, en France, à Nice, à Paris. Regardez ce qui s'est passé en Suède. Et là, les mecs disent, les médias se lancent tout de suite, l'agence France Presse, Le Monde, Trump invente un attentat en Suède. Et genre, je crois qu'il y avait des émeutes le jour d'après, quoi. Le lendemain, t'avais le quartier Bougnoul de Stockholm qui s'enflamme complètement, les voitures cramées, c'était n'importe quoi. Et après, évidemment, Trump en train de troller tout le monde... c'est génial, on dirait que tu vois, à chaque fois que les mecs essayent de mettre un coup de pelle à Trump, ça rebondit, tu sais. Tu vois, c'est assez fascinant. Boomerang. Voilà, exactement. Ah bon, voilà, donc Abraham Ougbagabir, c'est vraiment dur à prendre. Ah, tu le fais mieux que moi. T'as vécu en Érythrée, peut-être. Non, c'est de l'improvisation. D'accord, ok. Voilà pour notre rubrique autisme radical. Alors, on passe à la rubrique numéro 2. Le nègre de la semaine, chers amis. Alors, le nègre de la semaine. Le sale nègre de la semaine. Le sale nègre de la semaine. Et là, Derek a une dent contre lui, hein, on peut le souligner. Vous l'avez entendu comme moi. C'est Bernard Lama, l'ancien gardien de but de l'équipe de France, du PSG aussi, hein, si ma mémoire est exacte. Essentiellement ouais, au PSG. Ouais. Surtout du PSG, parce qu'en équipe de France, il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Ouais, effectivement. Alors, c'est ce qu'il déclare. C'est dans sport.fr que j'ai trouvé ça. Donc, je vous lis l'extrait d'article. Hein. Bernard Lama, celui qui avait été doublé par Fabien Barthez au poste de numéro 1 chez les Bleus ne cache pas son sentiment au sujet de son cadet. On s'entendait bien sans être pote, assure-t-il de prime abord. Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama. C'est lui qui parle, hein, c'est Bernard Lama qui parle. Hein. Des joueurs voulaient me sortir et des médias ont joué le jeu. C'est un bon soldat, il est blanc, pas très intelligent. Il ne fait pas trop d'histoire, il a été le chouchou à une époque, mais aujourd'hui on ne l'appelle pas pour parler de football. Le tacle est rude et ne prend pas forcément en compte l'hypothèse que le vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM n'ait pas envie de rester dans le milieu du ballon rond et encore moins de répondre aux sollicitations de la presse, conclut donc l'article. Alors il faut savoir que Barthez, effectivement, s'est complètement retiré du monde du football. Maintenant, il est dans le sport automobile. Barthez est un fan de sport auto. Et donc, il est avec aussi Panis, hein, l'ancien pilote de Formule 1. Et, enfin, en tout cas, il a été une époque avec lui. Je crois qu'ils ont... ils concourent ensemble. Alors, on a un Bernard Lama, visiblement, très remonté, très, très, très haineux, là. Hein. Alors, un blanc pas très intelligent. Alors, imaginez, dans la presse sportive, imaginez Barthez ou Emmanuel Petit qui se seraient risqués à un truc du genre « un noir pas très intelligent ». Bon, vous imaginez les conséquences, quoi. Ouais, ça veut dire quoi, un noir pas très intelligent? Ça veut dire c'est un pléonasme, effectivement. Ça veut dire que son quotient intellectuel tourne aux alentours de 200, c'est-à-dire un QI normal. Je pense que Barthez, tu vois, il a quand même une perception. Quand tu calcules l'intelligence, tu le fais en fonction de ta logique et de ta visualisation dans l'espace. En mon avis, quand tu es gardien de but et pilote de rallye, tu as une très bonne perception dans l'espace. Ouais. En fait, ce qu'il faut dire par pas très intelligent, c'est humble, discret, et avec un QI normal, quoi. Donc c'est ça, pour un noir, un blanc pas très intelligent, c'est un blanc lambda. Et vu qu'il est lambda et dans la norme, il est déjà bien au-delà du nègre moyen, donc c'est juste de la frustration de nègre. Faut pas plus prêter attention à ça, c'est de la frustration de nègre. Ah, ça vaut le coup d'en parler quand même, vas-y Derek. Si, peut-être que le lama en question, là, il s'est peut-être pas posé la question de se dire que si on lui demandait d'ouvrir sa gueule, c'est justement parce que c'était un nègre, quoi, hein, qu'il fallait faire de la diversité et compagnie. Parce que bon, niveau sportif, donc il en veut à Barthez, hein, apparemment. Notamment de lui avoir, avoir pris la place, hein, de passer devant pour la Coupe du Monde 98, hein, qui a été gagnée par la France. Et bon, de toute manière, il n'y avait pas de match. Hein, le mec n'avait pas joué juste avant la Coupe du Monde, quasiment. Et puis l'autre, enfin Barthez était bien meilleur. Hein, il n'y a qu'à voir la sortie qu'il avait fait, même en finale, où il avait été monté sur Ronaldo, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est assez, assez impressionnant. Hein. Ça reste dans les mémoires, sur un truc. Et il n'y avait pas photo. Barthez était meilleur au niveau sportif. À ce moment-là, quoi. Hein, à ce moment-là, c'était. Ah oui, même à ce moment-là, Lama était vieux, quoi. Le mec a pris sa retraite 3 ans plus tard. Bah, d'ailleurs, il a fini en Bretagne, à Rennes. Quoi. Donc, bon, c'est pour dire. Ouais. Non, c'est logique. Ouais. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il n'est pas fini à Guingamp. Ouais, mais alors il est passé aussi par Brest quand même, tu sais, donc il y a quand même sur une. Ah. Un peu par West Ham aussi. Mais il y avait une petite histoire aussi, d'ailleurs ça a fait polémique récemment, là, c'est que Lama il s'était fait prendre aussi parce qu'il avait fumé du shit et ça, il avait eu un contrôle antidopage. Donc ça un nègre qui fume du shit. Oui, non, mais moi je le verrais bien comme premier ministre de. Non, pas, peut-être pourquoi pas premier ministre, ou sinon ministre des Sports dans le pire des cas de Benoît Hamon. Puisque... Ah oui! Ouais. Non, il avait programmé, je crois, Doc Gynéco, je crois. Enfin, c'est en discussion. Ah merde! C'est plutôt la culture, Doc Gynéco, la culture, et puis Lama. Au niveau des nègres, culture ou sport, c'est pareil, hein. C'est interchangeable, un truc comme ça. Hein. Bernard Lama, qui est par contre un cousin de Christiane Taubira, puisqu'il est guyanais. Ils sont tous cousins. Si on remonte suffisamment dans l'histoire, ils ont tous le même ancêtre. Hein. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour le blanc, d'ailleurs, sachez-le, chers amis. Ah ouais, d'accord, c'est très guyanais, j'ai l'impression, ça, hein, le complexe d'infériorité. Ils ont une dent, hein. Chez Lama, c'est tout bien. Ils ont une dent, ouais. Et là, tu sais, Barthez, tu sens le mépris racial, hein, dans le truc, hein, quand même. Hein. Oh, ouais, si peu. Surtout que Barthez, pour le coup, il a bien réussi sa reconversion. Tiens, parler, il fait du sport auto à côté, ça marche pas trop mal en plus. Avec Olivier Panis, qui est pas non plus un peintre. Donc, ma foi, ouais. Lui, ouais, c'est quelqu'un qui est discret. Enfin, c'est marrant, ouais, les Blancs qui sont discrets, quoi. C'est toujours rigolo, ça. C'est-à-dire que même Emmanuel Petit. Il est assez ambigu, Emmanuel Petit. Ah, moi, j'ai pas dit que je l'aimais, etc. Hein, c'est une gauchiasse. Je sais pas, il est ambigu. Il est finasse, hein, Emmanuel Petit. Hein. Non, il est très ambigu. Il a tenu des propos très, très ambigus. Hein. C'est pas lui qui a dit que les nègres voulaient prendre des photos entre eux. Si. Juste en noir. Ouais, il a pas dit les nègres, non. Mais non, sinon, sinon sa statue était déjà programmée. Sinon, il serait pas sur le FC aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Non, il avait dit ça, oui, parce que c'était Thuram, oui, Malcolm X, le Malcolm X du pauvre du milieu footballistique, Thuram. À lui. Qui nous explique qu'il aspire à la société, au monde post-racial, à la société post-raciale en France, tout en écrivant des bouquins à l'ode de la race noire. C'est assez fascinant, ça. L'hypocrisie, la schizophrénie typique de ces métèques. C'est-à-dire que pour les nègres, post-racial, ça veut dire post-blanc, en fait. Hein. c'est juste ça. Hein. Le type tellement raciste qui, je crois, qu'il battait sa compagne Karine Le Marchand, qui était métisse. C'est une métisse, ouais. Elle est d'où, Karine, cette femme-là, Le Marchand là. Je sais pas, elle a un thème bizarre. Et des îles ou quoi? Indescriptible. Ils sont tous cousins, t'as dit, donc t'as rien. Marchand, elle a un peu de sang de blanc, ça se voit, son passif. Ah, elle est cousine avec nous aussi, du coup, elle est cousine avec tout le monde. Mais sinon, Bernard Lama, on a oublié de dire quand même qu'il s'était enquillé deux buts en fin de match contre la Bulgarie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce qui fait que la France avait raté pour la seule fois de son histoire la Coupe du Monde en 94. C'était, donc après, évidemment, les Bulgares, il y avait quand même du talent chez les Bulgares. Hein. Il y avait Stoichkov. Il n'y avait pas eu un but de son coéquipier, n'est-ce pas, au PSG, non? Ah, je sais pas, en tout cas, c'était Kostadinov qui avait mis les deux buts pour la Bulgarie contre la France, et puis ils s'étaient aussi rétamé la gueule en Israël la semaine avant, je crois, donc c'était la cata, et Bernard Lama avait sa part de responsabilité. On avait beaucoup tapé sur Ginola, mais c'était pas le seul. Bon, enfin, pour répondre à l'interrogation, hein, pourquoi on ne dit pas noir, pas très intelligent, c'est juste qu'on dit juste noir. Quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Effectivement. Voilà. Quelqu'un parle de Ginola, Qu'est-ce qui se passe avec Ginola là? Ginola. Non, mais tiens, il parlait de la Bulgarie, des éliminatoires. Il a chié dans la colle, Ginola. C'était une vieille histoire. Oui, il avait mis un but contre son camp. Quoi. Ah, ouais, merde. Non, il avait rendu à moitié la balle aux Bulgares en pensant que le match était terminé. Il avait fait de la merde et les Bulgares ont marqué sur cette action-là. Ginola, d'ailleurs, qui a fait un malaise cardiaque l'année dernière. Oh, ouais, il est animateur. Passer, hein. Il a failli passer, ouais, il n'est pas passé loin. Ginola, ouais, d'accord. Sinon, niveau grosse gauchia, parce que tant qu'on est sur le football, niveau grosse gauchia footballistique, Eric Cantona, la palme, hein. Tranquillement, sans forcer. Hein. Ah bah oui, c'est lui le phare du gauchisme au niveau foot. Quoi. Football. Ouais, ah, enfin, au niveau blanc, ouais, parce que c'est vrai que tu as. Blanc, Cantona, je sais pas. Hein. moi j'ai des doutes. Hein. C'est un mème. On nous reproche ça. On a créé un mème là. Est-ce que les latins sont des blancs? Alors on a lancé ça, alors maintenant on nous le reproche. Ou enfin, est-ce que Cantona est un latin ou est-ce que c'est un boucaque? C'est un italien, je crois. Enfin, moi, non, par contre, il est maqué une beurette, je crois. Ouais, oui, alors déjà il a maqué une beurette, mais en plus, plus il vieillit, plus on dirait un vieil Algérien. Quoi. Après, moi, les latins qui sont des populations à risque pour la drépanocytose, je m'en méfie un petit peu. Quoi. Oui, enfin. voilà. Ceci étant dit, Cantona par contre était agréable à regarder à jouer. Hein. Il avait une belle... Ouais, il avait du talent. Il avait une mauvaise image à cause de ça. Et puis bon, après, il était exilé en Angleterre. Mais le truc, c'est les sportifs gauchistes. Le truc, c'est que pour atteindre un bon niveau et se maintenir à un bon niveau, ils étaient obligés d'avoir une discipline de vie qui est pas très compatible, à mon avis, avec les idées de gauche. Et c'est comme si, sur la fin de carrière, après, ils se disent, après tout, faut être cool, etc. Alors que c'est complètement le contraire de ce qui a fait leur carrière. C'est con parce qu'il était plutôt lancé sur une dynamique en mode droitard, rien à foutre. Et en fait, non, il finit en mode grosse gauchias, effectivement. Bah, ça se voit qu'il aime la bouffe et tout, donc je sais pas, tu vois, il a pris du bide, ouais. Il aime surtout la bouffe. Ouais, il doit se gaver et tout pour avoir. Non, mais c'est pour avoir accès au petit four, au champagne, je sais pas comment. Mais... Non, mais même, c'est pour vous dire, il a même signé la tribune en faveur de Théo et de sa matraque dans le cul imaginaire, là. Avec Libération, vous savez, il y a toute la chiasse qui a signé ce truc-là, et je crois que Cantona fait partie du lot contre le contrôle au faciès, ou je sais pas quoi encore. Ouais. Il y avait tout encore, vous savez, là, les gauchistes, c'est marrant, les gauchistes, ils n'ont pas compris qu'on a changé d'époque. Alors, ils font toujours vous savez, des grands appels avec des signataires, etc. Ces gens, là, les grandes consciences s'indignent, alors que tout le monde s'en torche le cul. En fait, ils sont juste en train d'écrire les listes pour la prochaine épuration, quoi. C'est pratique. Effectivement. Remercions-les, bon. Effectivement, à ce moment-là. Un petit tour de monde footballistique. Donc, rubrique numéro 3, guerre raciale, chers amis, guerre raciale. Le mot n'est pas trop fort. Je voulais revenir avec vous sur ce qui se passe à Beaumont-sur-Oise et avec cette affaire d'Adama Traoré, cette personne qui... Enfin, cette personne, putain, ça... ouais, faut pas déconner, hein. Donc, ce nègre décédé lors d'une interpellation... sur cette commune d'Île-de-France. Alors Beaumont-sur-Oise, c'est joli, vous voyez, Beaumont-sur-Oise, vous regardez les photos sur Google Images, Beaumont-sur-Oise, vous voyez un clocher, etc., c'est vraiment la France typique, vous voyez, et puis en fait non, c'est une colonie africaine. C'est le truc de ça date de cet été, hein, c'est ça? Ouais, juillet 2016. Alors, ouais, rebondissement. Alors, pourquoi aussi j'ai utile d'en parler? C'est parce que si vous avez suivi l'actualité, suite donc au fameux viol imaginaire de Théo Louaka par quatre policiers, vous avez remarqué que les bougnoules et l'extrême gauche ont scandé le slogan suivant lors de leur manifestation. Adama et Théo nous rappellent pourquoi Ziyad et Bouna fuyaient. Alors Ziyad et Bouna, c'est les deux connards qui sont rentrés dans un transformateur électrique et tout le monde est tombé des nues en découvrant qu'effectivement, quand tu rentres dans un transformateur électrique où c'est écrit en gros « ne pas rentrer, attention, danger », tu finis électrocuté. Bon, voilà. Alors donc, victimologie oblige. C'était pas écrit en arabe sur le transformateur. Ah voilà, c'est vrai. Et comment dire, alors, victimologie oblige, Ziyad et Bouna sont des victimes, d'accord, Théo est une victime, et Adama Traoré aussi, donc du nom de ce fameux Africain interpellé et mort lors de son interpellation. Alors, il y a eu un nouveau rebondissement, comme je le disais, c'est le frère d'Adama Traoré, je cite Europe 1. Un frère d'Adama Traoré a été placé en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête sur des tirs contre les forces de l'ordre en juillet à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise, lors des violences, donc des émeutes raciales, ayant suivi la mort du jeune homme, a indiqué le parquet de Pontoise. Plusieurs membres de la famille Traoré devaient aussi être entendus comme témoins mardi dans le cadre de cette procédure, a précisé le parquet. Alors, de qui s'agit-il? En fait, il s'agit de Bagui Traoré. Et Bagui Traoré, c'est le chef du gang familial qui règne en maître sur cette commune. Ça flambant le Mali, tout ça, quand même. Hein. Allez, tu t'imagines les mecs qui sortent d'un buisson avec leur machette et qui arrivent et qui te sabrent la tronche. Quoi. Alors, j'ai envie de vous rappeler les faits et Valeurs Actuelles avait fait, uniquement Valeurs Actuelles à ce que je sais, avait fait une enquête sur le truc pour un peu démêler le vrai du faux, parce qu'on nous a vendu immédiatement, là aussi, interpellation, bavure policière, brutalité, Adama Traoré est mort suite à cette bavure, et hop, érigé en martyr, et vous retrouvez son nom dans toutes les manifestations de gauche et d'extrême-gauche, comme Ziyad et Bouna, et comme Théo, voilà, tous ces criminels imaginaires. Alors, c'est pour ça que c'est important de débunker ça, c'est important de parler de la vérité. Je cite un article excellent de Valeurs Actuelles sur le sujet, je vous le livre, hein. En enquêtant, un élément surprend. À chaque fois que des mentions sont posées sur la famille Traoré, les habitants de Beaumont refusent de s'exprimer. La vérité, c'est que tout le monde a eu peur des frères Traoré ici, finit par livrer l'un d'eux. Ce sont des caïds, un clan, c'est Bagui, la tête du réseau, cible carrément un autre qui nous fait jurer de ne pas citer son nom. En creusant, on apprend que Bagui Traoré, actuellement en prison, qui selon nos informations n'aurait pas hésité à donner 3 identités différentes aux enquêteurs et se fait passer pour Gibbs Traoré sur Facebook, a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour extorsion en 2003 et 2005, détention non autorisée de stupéfiants en 2013, vol à l'aide d'une effraction, port prohibé d'une arme de 6e catégorie, pas vraiment à tendre, disait à ce moment-là Valeurs Actuelles. Et en fait, l'interpellation du 19 juillet 2016, donc quand Adama Traoré est mort, visait Baggy Traoré. Donc c'était la tête du réseau qui était interpellée pour une affaire, je ne sais plus d'ailleurs de quoi, je ne me rappelle plus exactement, mais toujours est-il que c'est bien Baggy Traoré qui était visé. Son frère était présent et a essayé de s'opposer à l'interpellation. Et ensuite, Adama Traoré a essayé de s'enfuir. Il a réussi une première fois et il a été rattrapé ensuite. Et quand il a été rattrapé, c'est là qu'il a fait un malaise cardiaque. Et quand le frère est mort de son malaise cardiaque, parce que d'ailleurs, Baggy Traoré, c'est les témoignages, hein, il y a les procès-verbaux, etc. Baggy Traoré a dit « Mon frère est cardiaque ». Et on lui a dit ensuite, oui, bah, votre frère est mort, en gros. Hein. Lors de l'interpellation, il est mort. Il avait du shit sur lui et du liquide. Hein. C'est intéressant à noter. Et ensuite, le procureur, quand il a appris ça, alors qu'il procédait effectivement à l'interpellation de Baggy Traoré, a décidé de le relâcher, en fait, pour éviter d'avoir de trop gros troubles. En fait, le procureur et le gouvernement français s'est pissé dessus, quoi. Donc, ils ont lâché le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé des émeutes armées. Et d'après Valeurs Actuelles, qui met d'ailleurs des photos de véhicules de gendarmerie, on a relevé jusqu'à 60 tirs à l'arme réelle sur les véhicules de la gendarmerie. 60 tirs, c'est une véritable émeute, une véritable insurrection raciale à Beaumont-sur-Oise qui s'est déroulée pendant plus de 5 jours. Hein, Dixit, allez la presse. Passer vos vacances à Beaumont-sur-Oise. Voilà. Dépaysement garanti, quoi. Et donc le type était en taule, ils ont dû le relâcher en, comment dirais-je, en liberté provisoire, et là il a été remis en garde à vue par rapport à ces faits-là. Et donc je voulais y revenir, bah, simplement pour parler de cette affaire. Comme Théo Louaka, où c'est une escroquerie montée à 100% par les médias, d'ailleurs avec l'élection présidentielle en arrière-fond, là c'était aussi la même chose, violence raciale, ce sont systématiquement des bobards montés contre les flics, évidemment, d'abord, mais aussi, voire surtout, pour empêcher toute mesure réellement efficace contre cette vermine qui malheureusement ronge de plus en plus de communes, de grandes villes, ou même maintenant de communes moyennes, voire petites, de France. Quoi. Quelqu'un veut réagir là-dessus, soit sur l'affaire Traoré en particulier, soit plus largement sur cette martyrologie imposée par les médias et la gauche en faveur de toutes ces victimes de baveurs policiers. C'est un peu la même chose qu'on voit aux États-Unis depuis un petit moment, hein. C'est-à-dire que voilà, systématiquement, la pauvre victime nègre qui n'a rien fait, abattue par les policiers, voilà. Alors là, bon, il est mort d'une crise cardiaque, soi-disant, les flics étaient assis dessus ou je ne sais quoi. Et ça fait un moment qu'on nous fait la même en France, hein. C'est-à-dire que... Ouais. Voilà, on monte en épingle des histoires, sorties pour décrédibiliser, délégitimer la police, effectivement l'empêcher de réagir, etc., etc. Et concrètement, on livre plus ou moins la rue à des bandes de nègres, quoi. C'est, ouais. Je ne sais pas quel est l'objectif final, mais ça a l'air d'être très joyeux et apaisé. C'est bien de noter que ce soit le Traoré ou l'autre, là, le Louaka. Hein. Ouais. À chaque fois, ce sont deux nègres, hein, qui empêchent la police d'intervenir pour le trahix. Exactement, ouais. Pour une arrestation. Je crois que c'était des dealers. L'autre, c'était son frère qui était dealer aussi. Il y a quelques points communs, n'est-ce pas? Peut-être de là à créer une. Mais c'est fascinant de voir le boulot de la presse. Des militants, parce que toute la presse, 90% des journalistes sont de gauche ou d'extrême gauche. Hein. C'est fascinant de voir le point de vue systématiquement empli d'empathie vis-à-vis de cette. C'est-à-dire que ce sont des nègres innocents, mais qui sont toujours impliqués dans le trafic de drogue. On ne sait pas pourquoi, certainement, c'est les flics qui ont mis des fausses preuves, hein, sur eux. Oui. Bien sûr, hein, parce que comme nous le savons tous, les nègres et les bougnoules en France touchent pas la canne. Se tiennent à grande distance, hein, ils n'ont rien à voir avec le trafic de drogue. Et évidemment, tout ça, c'est du false flag, hein, avec des flics qui mettent des barres de chichons un petit peu partout. Des flics sinistres. Ah oui, bien sûr, ah oui, pour créer des émeutes et pour... Ouais, c'est assez... Alors non, je voulais quand même revenir sur cette histoire parce que ça avait été extrêmement violent. Moi, j'invite ceux qui veulent vraiment creuser le truc, vous tapez Baggy Traoré ou Adama Traoré, Valeurs Actuelles dans Google, vous aurez l'article, très très bon article de Valeurs Actuelles. Valeur Actuelle fait des trucs très bien. Après, le positionnement politique républicain, enfin le parti des Républicains, me paraît complètement. Enfin bon, c'est de la politique un peu bidon. Mais ceci étant dit, il y a quand même du fond dans Valeur Actuelle sur certains sujets. Et là, ils avaient vraiment fait une enquête qui était bien sympathique et ils avaient vraiment débunké. Et ça n'a jamais été repris, hein. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas dans la grande presse officielle et subventionnée par le gouvernement, évidemment, tous ces détails-là. C'est-à-dire, vous ne savez pas que le clan Traoré est une espèce de tribu implantée à Beaumont qui gère tous les trafics, qui sème la terreur, etc. Et je crois qu'il n'y a pas une sœur de Traoré qui bosse pour Plenel ou pour Canal+, non ? Ah bon ? Je ne suis pas au courant de ça, tiens. Ouais. Je crois que la grande sœur a été recrutée soit par Canal+, soit par le Bandit Blog, soit par Mediapart, et elle tient une sorte de pige ou de chronique. Bah, ça fait le lien avec Mehdi Méclat, qui avait aussi été recruté par le Bandit Blog. Putain, mais ça fait le lien avec la famille Waka. Famille Waka de Théo, qui est aussi une famille implantée, etc. Non, mais c'est marrant. En fait, on voit surgir en France, en tout cas en Île-de-France, le phénomène tribal, quoi. C'est quand vous recrutez un individu, vous recrutez pas un individu. Avec ces gens-là, vous recrutez une tribu. Et c'est comme, on parlait des gitans, bah, y a une blague qui dit quand tu tapes sur un gitan, il y en a 5 qui apparaissent. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tu tapes sur un Traoré, t'as carrément un annuaire avec Traoré, tu vas pas être déçu, quoi. Tu vois, c'est exactement la même chose, quoi. C'est des tribus. Et les mecs, ils arrivent et ils menacent, quoi. Et les tribus, et je te dis, tu regardes les photos, tu tapes Bagui Traoré dans Google, les premières photos qui arrivent, t'as l'impression d'être au Mali avec le coupeur de route, quoi. Mais le Bagui Traoré est un coupeur de route, puisqu'il a organisé les embuscades contre la gendarmerie. Alors, il y a même un détail dans l'article en question qui vaut vraiment le pesant de cacahuètes, j'ai vraiment envie de vous le donner. Voilà, je vous cite encore une partie de l'article. Cette affaire pendant laquelle certains gendarmes se sont sentis abandonnés aboutira à une vingtaine de demandes de mutation. Appelle Maître Bosselu, donc c'est un avocat de militaire. Les gendarmes et leurs enfants recevront 15 menaces de mort. Fait exceptionnel, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a accepté toutes les demandes de mouvement. C'est une capitulation en rase campagne de la gendarmerie vis-à-vis de ses propres hommes. Je comprends qu'ils aient voulu évacuer leurs hommes, parce qu'évidemment, on ne va pas exposer des gendarmes à la furie de ces sauvages. Mais c'est incroyable, aucune forme de répression, c'est absolument hallucinant. Donc là encore, on a le phénomène tribal, hein. Vous voyez, ça vient de partout, c'est pas que Bagui Traoré, c'est toute la fratrie, les cousins éloignés, les frères de race, etc. Et là, ça cible, et ils s'en sont pris aux familles des militaires en question, absolument hallucinant. Juste, vous parlez de la sœur de Traoré, donc elle a été embauchée par Mouloud Achour, l'espèce de gros Moukoum, voilà, pour le gros journal, hein, voilà, donc c'est l'esprit, je crois que c'est l'esprit canal, c'est ça. L'esprit anal, ouais. Ouais, anal plus. Voilà, donc pour ceux qui rêvent de coup d'État, hein, de l'armée française. Hein, voilà, constatons donc que l'armée se chie dessus face à une bande d'Africains à Beaumont-sur-Oise. Voilà. Ouais, il faut quand même se mettre au courant. Hein. Bah, c'est, après me semble que l'armée française, The Walking Nègre, leur dernière pub de recrutement, c'est carrément un nègre avec une bombe. En fait, hein. Oui. Pour la Saint-Valentin, la page Facebook officielle de l'armée française sortit un militaire nègre voilà, qui embrasse une blanche. Donc, non, mais là, vas-y. Ouais, c'est le nègre avec sa... C'est ça, voilà. Le nègre avec sa blonde, c'est la communication officielle de l'armée française. Voilà. On en est là, si vous voulez. Hein, Bon. Bah voilà ce que c'est d'avoir une armée républicaine. Le nègre avec un béret, tu vois, c'est... C'est la France. Voilà. Formidable. Alors qu'on vient pas nous faire chier avec le patriotisme tricolore, mes couilles, etc. On me laisse tranquille avec ça. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Oh, mais il verse son sang pour le drapeau. Ah ouais, non, mais il y en a, dès qu'ils te voient chanter un nègre, le mec qui chante un Marseillais. Ouais. Ah ouais, ils sont charmés. Oh là là, c'est merveilleux. Ils ont la larme à l'œil, ils se roulent par terre. Tiens, mais c'est. Voilà, la France, la grandeur et tout. Non, d'ailleurs, un nègre qui chante la Marseillaise, c'est... Qu'est-ce que tu veux, c'est comme... c'est une bête de cirque, c'est tout. Hein. Bah, ça, le nègre, il chante la Marseillaise quand il a l'uniforme, et quand on sort de la caserne, il organise une émeute. Ouais. Ah là là. Bon, chers amis, je vous propose de faire une pause musicale et ensuite on se retrouve pour un programme chargé de deuxième partie. Nous revoici pour cette deuxième petite émission, chers amis. Je pense que ce sera dense. Et on va commencer sans tarder avec les élections pestilentielles. Elles deviennent d'ailleurs de plus en plus puantes, ces élections. À titre personnel, je ne suis pas un fan d'élections. Enfin, je veux dire, en général, ça ne produit pas grand-chose de brillant. Sauf, quand même, Donald Trump. J'ai quand même ça, ça a été un grand moment. Politiquement, en tout cas, pour moi. Mais bon, il faut quand même suivre un petit peu ce qui se passe, sait-on jamais. Et alors, les news du moment, en fait, c'est l'effondrement complet du processus électoral, je crois qu'on peut le dire. J'ai personnellement jamais vu une élection présidentielle comme ça. C'est un écroulement, en fait, le discrédit est à peu près complet sur la classe politique, le système judiciaire... J'en passe, et je fais bien évidemment référence à la mise en examen, annoncée d'ailleurs par François Fillon. Le 15 mars, il est convoqué chez les juges d'instruction, 2 jours avant le dépôt officiel des signatures pour être candidat à l'élection présidentielle, en sachant que le scrutin aura lieu en avril. Donc, mise en examen probable. Fillon, d'ailleurs, qui s'était engagé à se retirer de l'élection, s'il était mis en examen. Il a complètement changé d'avis, en moins d'un mois d'ailleurs, un peu plus d'un mois. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de pleurer sur Fillon, mais qui a envie de... C'est quoi votre sentiment là-dessus, sur les élections en général déjà? Bah, et puis non, sur mais les élections, en fait, on parle que de Fillon, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça. Fillon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est avec lui? Qui est contre lui? Bah, ils se débinent tous, là. Ah non, mais oui, il y en a, la plupart se débinent, effectivement. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'on parle que de ça, quoi. C'est... Ouais, tu veux dire, il y a pas de fou. Moi, je sature, j'en peux plus. Hein. Bah, de toute façon, les élections présidentielles, même en 2012, c'était vraiment... Enfin, moi, je me rappelle, j'avais la nausée, parce que... Très honnêtement, je veux dire... ils sont tous universellement des tocards, c'est des mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la vie politique, ils nous fatiguent, ils sont médiocres, ils n'ont aucune conviction profonde. Mais en fait, là, c'est le côté spectaculaire de l'implosion du système. Enfin, je veux dire, avant... Par exemple, aucun parti, même de gouvernement, voyez, même pour gagner, ne l'aurait fait. Genre commanditer des enquêtes, etc. Parce que les mecs se seraient dit, c'est mauvais parce que ça va renvoyer une image extrêmement négative du fonctionnement du système étatique. Ça va donner à voir l'état de la corruption du système. Donc, il faut quand même se garder de le faire. Parce que si on gagnait et qu'on arrive aux responsabilités... notre crédibilité et la confiance que les gens peuvent avoir en nous seraient considérablement réduites. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est en fait, les types sont tellement des médiocres et en fait des truands à la petite semaine, qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent complètement, hein, je veux dire, de que ça soit même visible, on le voit, hein, avec les, parce que clairement, les affaires sont manipulées, quoi, on le sait. C'est pas qu'elles n'existent pas, mais on le sait. Bah, disons qu'elles sont... Mais ils n'en ont plus rien à foutre. Les affaires qui sortent en ce moment, c'est étrangement du côté de la droite, enfin droite entre guillemets, que ce soit pour les deux, hein, Fillon ou Marine Le Pen. Mais c'est sur ces deux-là que hop, tout d'un coup on se réveille, il y a des trucs... Enfin, je crois que Marine c'est, Le mais Pen... Mais c'est des trucs... C'est des trucs c'est, en plus, c'est ridicule, quoi. C'est genre des dizaines de milliers d'euros pour Marine Le Pen... histoire de... On va revenir sur Marine Le Pen. Bon, bref. On va revenir sur Marine Le Pen, mais effectivement, mais la gauche socialiste... Parce qu'en fait, avant, il y avait quand même... Enfin, je vais pas dire... Comment dire... Même des mecs comme Jospin, etc. Les mecs étaient des crapules au sens... leur politique était vraiment dégueulasse. Mais les gars avaient quand même encore un soupçon de conscience d'une partie de leur responsabilité. Ils savaient que c'était quand même des hommes d'État que... Ils ne pouvaient pas s'amuser à faire des manips politiques trop grosses parce que ça allait vraiment discréditer le gouvernement, le fonctionnement du régime, et ils n'allaient pas oser aller jusque-là. Donc, ils se gardaient de le faire. Il y avait une espèce de trêve, en fait. Là, maintenant, c'est vraiment... coup pour coup, c'est bon, quoi. On peut y aller. L'important, c'est de gagner, quoi. Et ça, c'est... En fait, la médiocrité de la procédure... utilisé par en fait par François Hollande et par Macron et Drahi et tous les intérêts qui se situent derrière ces gens-là, vraiment la médiocrité de leur méthode traduit, je crois, vraiment un effondrement du niveau général. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a 10 ans, impensable il y a 20 ans, on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas déballé des trucs comme ça très triviaux. Ouais, c'est normal, va y avoir une... On avait une recomposition à venir, là, après les législatives. Donc, il y a des places qui vont sauter, ça c'est clair. Il y a beaucoup de circonscriptions qui vont passer aux mains du Front. Enfin, pas forcément une majorité, mais à mon avis, il va y avoir pas mal de triangulaires et il va y avoir quand même pas mal de députés. Donc, il y a des places à prendre. Donc, là, c'est le moment c'est le moment de tout lâcher, quoi. Je veux dire, les mecs, ils vont assassiner symboliquement, ils vont en buter quelques-uns, quoi. Ça va être très très violent. Et c'est déjà normal. Pas mal. Ouais, enfin, c'est un peu normal. Par contre, bon, effectivement, si tu veux, il y a pas mal de députés, de sénateurs UMP qui ont fait défection, dont des gens très influents, hein, des maires de grandes villes. Mais globalement, l'électorat et les élus locaux de l'UMP, enfin des Républicains, la France droitière, c'est pas qu'elle reste fidèle à Fillon, si tu veux, mais elle n'en veut pas à Fillon pour avoir filé 5000 euros par mois à sa femme. Je veux dire, les mecs, ils font tout ça, ce qu'ils en veulent à Fillon, parce que Fillon s'est fait gauler, tu vois, s'est dit gauler par la patrouille. C'est comme le docteur qui embauche sa femme comme secrétaire, tu vois, pour eux, c'est le truc de notable de province. C'est ça, évidemment. Mais le... Comment dire, le... Ouais, de toute façon, il y en a. Bon, faut être honnête. Bon, Fillon, moi, je veux dire, c'est pas ma crèmerie. D'ailleurs, je déteste la corruption sous toutes ses formes. Mais on sait très bien qu'évidemment, c'est largement instrumentalisé, ultra médiatisé. Bon, c'est voilà, il faut pas être naïf, on le sait. Bon, le truc intéressant, c'est de voir toute la clique se débiner maintenant. Là, je pense qu'ils ont... En fait, visiblement, au sein de cette mouvance, ce qui est intéressant, j'ai toujours été pour dissoudre complètement cette... l'aile droite de la bourgeoisie. J'ai toujours estimé que c'était c'était la pire saloperie qui existait, hein, bien avant la gauche d'ailleurs. Il faut quand même dire un truc avec Fillon. Fillon, c'est un mec, il a fait campagne sur ses primaires sur une ligne droitière. Voilà. Ouais, vas-y que je te, la Russie, les bougnoules, en avant la musique, quoi. Et dès qu'il a été qualifié, qui est parti voir? Kosciusko-Morizet, toute la clique. C'est-à-dire qu'il a tout de suite... Tous les coéquipiers de Juppé. Voilà. Et donc, tu vois, et en fait, ce qui est excellent dans cette histoire, c'est que le type, il a trahi, d'entrée de jeu, il a trahi ce pourquoi il avait été choisi par la base militante. D'entrée de jeu. Il s'est dit, je vais aller tapiner avec les gros notables centristes, c'est-à-dire les gauchistes, qui vivotent dans la bourgeoisie du parti. Dont Morizet et toute la clique. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que dès qu'il y a un coup de tempête, c'est ces gens-là qui présentent les cordes pour le pendre. C'est ces mecs-là. Et ils disent, voilà, Fillon, c'est plus possible, il faut remettre Juppé au centre du jeu, et vas-y que je te... D'ailleurs, c'est même possible d'ailleurs qu'ils le choisissent finalement, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que Fillon a trahi, et il est trahi. Donc il y a une morale dans l'histoire. Et les couillons éternels de ce parti de droite bourgeoise en sont pour leurs frais. Et bah, c'est une leçon dure, mais ça leur apprendra peut-être quelque chose. Je ne sais pas s'ils en retiendront quoi que ce soit, mais au moins, c'est une leçon. Et ça peut être d'ailleurs aussi une leçon indirecte pour le Front National. Parce que Marine Le Pen a opéré des mouvements à la tête du Front National qui me rappellent un petit peu cette espèce de NKMisation de la direction. Hein. C'est-à-dire ce virage... vers la bourgeoisie. Tatiolisation, non? Tu veux pas parler de ça plutôt, non? La oui, c'est ça. Non, en fait, c'est l'embourgeoisement, mais comme la bourgeoisie maintenant est ouvertement pédérastique, c'est lié, quoi. Mais c'est ça, c'est dès que ça sent bourgeoise, ça commence à puer, et tu te retrouves à t'appuyer sur des tocards. Et les tocards te trahiront au premier coup. Alors que les militants de la première heure, les purs et les durs, ne trahissent pas, parce qu'ils ne sont pas là pour la gamelle. Ils sont là aussi pour des idées, somme toute, quoi. Et c'est assez triste. Pas vraiment, mais disons, c'est une... si on veut, d'une certaine façon, de voir le parti gaulliste historique... Je ne suis pas gaulliste, hein. Mais le parti gaulliste historique terminé comme ça, parce que ça ressemble quand même un petit peu à un enterrement de première classe. Attends, dire gaulliste, c'est quoi être gaulliste? Non, mais c'est les héritiers. J'ai pas dit que c'était gaulliste. C'est les héritiers du parti gaulliste. C'est un fait. Ça, c'est un fait, tu vois. Tous ces mecs-là viennent de Chirac, qui lui-même était dans le gouvernement de De Gaulle. Bon, pas grand-chose, mais... Donc, c'est un petit peu les héritiers. Et de fait, ils se trouvent à gérer la liquidation. C'est... Quand tu vois que la tournure que ça prend, c'est assez misérable. Je veux dire, avec des gens comme Morizet et compagnie qui sont là en train de savonner les planches, de voir des sarkozistes il y en a un certain nombre. Bon, le Louche n'est pas le pire, honnêtement. Hein, mais bon, il a commencé à dire, ouais, il faut que ça change. Etc. Bon, voilà, Fillon est fini. Puisque tu parlais des pédérastes, hein, qu'il y avait un petit peu partout, je crois qu'il y avait... Il y a quelques années, il y avait Benjamin Lancard, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était le président des jeunes de l'UMP. Une espèce de folle cocaïnomane, voilà, président de l'UNEF ou des jeunes de l'UMP. C'est pas lui qui se branlait. Voilà, c'est lui qui avait été, je crois qu'il avait été plus ou moins attaqué. Il était homosexuel et il avait commencé à toucher les mecs du parti. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais voilà. France, voilà, la France, c'est le rayonnement français. Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et en plus la répression antiraciste, c'est-à-dire que... PD, quoi. Moi, je veux dire, le parti Les Républicains, jadis l'UMP avant le RPR, ces gens-là ont capitulé devant la gauche socialiste et communiste. Et ça vient de très loin, parce qu'à l'origine, De Gaulle a fait un compromis avec les cocos en 1945. Il a couché avec les communistes pour avoir le pouvoir. Et il les a mis partout dans l'appareil d'État, dans les grands corps de l'État. De Gaulle les a disséminés simplement pour avoir la paix au niveau intérieur. Et ces mecs-là ont prospéré, la CGT, le PCF, et tout. Il ne les a pas, c'est pas pour avoir la paix, c'est qu'ils n'avaient pas l'appui nécessaire pour pouvoir régner, tout simplement. Bah ouais, alliance, enfin, il a fait un compromis, tu vois, il a pas voulu lancer la guerre civile, le grand nettoyage, ce qu'il fallait faire. Il a fait le compromis, c'est qu'en France, il y avait déjà le Front populaire qui était passé par là. Voilà, ça fait un moment qu'on a travaillé. Hein. Voilà, et malheureusement, on est dans la même configuration. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant avec le Front National, c'est qu'en fait, le Front National incarne le RPR des années 80, en réalité, hein, l'électorat n'a pas tellement bougé. Ah, c'est exactement ça. Et par contre, il va quand même y avoir au niveau local, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, parce que tout est national en France, donc on va entendre parler de l'affaire de corruption de Fillon, parce qu'il a un rôle au plan national. Mais au plan local, quand tu connais un peu l'historique de ton département, de garantir que tous ces maires, les Républicains ou UMP, d'un point de vue de corruption, s'y a été franco, hein, et pendant 30 ans. Donc les mecs se sont gavés. Ouais. Les mecs, maintenant c'est une fin de race, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus rien. Bon, ils vont passer la main à d'autres gens. Alors bon, dans les coins UMP, c'est quand même très généralement soit le Front, soit une branche dure des Républicains. Des gens comme Nicolas Duhic ou autres qui sont même plus à droite que le Front National, soit l'UDI et puis les centristes, quoi, Macron. Ouais. Et, c'est juste hallucinant le nombre d'affaires, mais qui sont très très graves, qui ont été divulguées ces années-là. Sauf qu'en fait, vu qu'il y a une démoralisation du peuple français, si tu veux, ça ne faisait ni chaud ni froid. Moi, j'ai très souvent vu des mecs tomber pour des affaires, mais qui sont graves. Sans... Si tu veux, on s'est un peu habitué à ça. C'est-à-dire que c'est un poison, on se l'est inoculé dans les veines quotidiennement, et maintenant, ça nous fait ni chaud ni froid. Mais c'était très fréquent, les mecs qui ont détourné l'argent du conseiller général, de la mairie, qui ont fait entretenir un agent, un fonctionnaire territorial à leurs frais, comme Custo, comme pour refaire sa cuisine ou autre. Non, mais la France, il y a un système de corruption quasiment généralisé. Hein. En fait, il est étatisé. Le système est étatisé, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi bien valable pour les élus, pour les responsables syndicaux. Regarde le mec de la CFDT qui a refait son bureau, de la CFDT ou la CGT, je ne sais plus. Qui a refait son bureau pour 600 000 euros, tu te souviens de ça? C'est pas le mec de la CGT, ça? Ouais, enfin, je sais pas, il avait refait son bureau, c'était juste énorme. Camarade, je proteste, arrête de dire du mal du syndicat du peuple. Ah ouais. Enfin bref, sur ces entrefaites, notre ami Henri de Lesquin. On aime bien Henri de Lesquin, on l'aime bien. Ceci étant dit, sur François Fillon, il a un positionnement qui est différent du nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il soutient François Fillon, hein, mordicus, il le dit, voilà, Marine Le Pen est de gauche, c'est une socialiste, c'est insupportable, il faut faire front, il faut soutenir François Fillon jusqu'au bout. Alors je pense que son candidat est quand même un mort-vivant, mais enfin bon, il s'accroche, et alors LCI en fait ses choux gras. Et voici ce que raconte LCI. Henri de Lesquin, président du Parti National Libéral et coutumier des propos racistes, a annoncé ce vendredi soir qu'il retirait sa candidature pour soutenir François Fillon et invite ses partisans à participer à la manifestation en faveur du candidat de droite ce dimanche à Paris. Il cite encore un extrait du communiqué de Henri de Lesquin sur le sujet. « Je retire ma candidature et j'appelle les Français à voter pour François Fillon dès le premier tour. Il faut barrer la route à Macron, candidat de l'oligarchie cosmopolite », déclare Henri de Lesquin, qui est aussi patron de Radio Courtoisie, une antenne connue pour son ton réactionnaire. C'est LCI, la chaîne du patronat français qui parle. Hein. Le ton réactionnaire. Non mais c'est magnifique. C'est anecdotique, mais c'est vrai que c'est rigolo, quoi. C'est-à-dire que Ils arrivent à faire son buzz hein, sur Internet, hein, Henri de Lesquen. Donc, dès qu'il fait une déclaration, maintenant, c'est repris par les grands médias. C'est repris LCI, vas-y. Moi, c'est ça que je retiens et qui, ma foi, me fait sourire. Mais c'est pas juste du troll, en fait, non? C'est surtout ça, quoi. Non, il troll. Mais dans son soutien à Fillon, il est sincère. Hein. Ah oui, non, mais bon, oui, d'accord, tu vois les photos, c'est quand même des montages. C'est digne de fortune. Non, c'est son équipe qui va un petit peu plus loin que Henri. Mais Riton, il est à fond, hein, il soutient vraiment François Fillon. Quoi, bah écoute, pourquoi pas. Bah écoute, oui, mais maintenant, il se fait lâcher par tout le monde, tous les élus, justement, tu parlais de la bourgeoisie molle, tu vois, l'espèce de centriste qui sonne dans la droite traditionnelle. La démocratie chrétienne, quelle horreur. Voilà. Donc, là, il est en train de se faire lâcher par tous ces gens-là. Donc, ma foi, peut-être qu'il va devenir finalement intéressant. Alors là, tu ne comprends pas du tout la psychologie même du bourgeois de droite post-catholique. Hein. Fillon, quand il voit ça, il dit « Mais quel con, qu'est-ce qu'il vient me faire chier ?» Tu vois. Parce que c'est-à-dire que Fillon est un traître consubstantiellement, tu vois. Et ce mec-là, tu vois, considère le courage et l'audace comme étant des tares, n'est-ce pas? Donc quand il voit Delesquin arriver avec ses quelques sous d'art pour le soutenir, il se dit « Oh là là, ça s'aggrave !» Tu vois. Bah, je me suis dit, en fait, c'est quoi le projet de Delesquin, tu vois? C'est juste de faire chier le funeste Philippot et sa politique gaulliste-communiste, ou c'est juste pour faire chier Fillon? En fait, je n'avais pas trop compris l'intérêt du truc. Alors, il voulait aider Fillon, mais il va le pénaliser, en tout cas, le temps d'une dépêche de LCI. Et oui, non, il déteste Philippot, etc. Mais en fait, c'est marrant parce que Henri de Lesquin, j'ai l'impression que lui, il lit les programmes, il accorde du crédit aux programmes. Genre, on a un stade où les politiciens, ça, ils ont des programmes en France, ça va s'appliquer, etc. Mais non, il faut être sérieux, je veux dire. Les élections, peu importe lesquelles, mais surtout les élections présidentielles, sont un gigantesque cirque. Complètement truqué de A à Z, non, où les enjeux sont presque inexistants, je veux dire. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la. Enfin, bon, pas, qu'il y a, qui continue ou qui continue pas, c'est là ce qu'il va y avoir là dimanche. Hein. Trocadéro, tu veux dire. Ouais, alors on va voir ce que ça donne au niveau intensité, au niveau. Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais parce que... ce qui est intéressant, si tu me laisses continuer, on va avoir en France des manifestations contre les juges. Et ça, ma foi, c'est quand même assez rafraîchissant. Alors, t'as raison. T'as tout à fait raison. C'est pas pour Fillon, mais c'est le fait que voilà, on passe un cap quand même au niveau de ce qui est acceptable. Et ouais, ce qui mais le pas. Truc, c'est que c'est très bien. Le problème, c'est que c'est fait avec des gens qui couchent avec depuis tellement de décennies que c'est ça qui... Ouais, et il y a un côté désespéré. Par contre, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça marche, c'est pas interdit que Fillon se retire, parce que bon là je vois qu'il y a quand même du monde là qui se barre là. Qui se retire ou qui se retire pas, on s'en fout. Moi ce que je retiens du truc, c'est l'histoire de la manif, c'est ça qui a fait lâcher beaucoup de gens. Ah ouais, c'est qu'en fait, quand le mec, ça fait factieux. Voilà, exactement. Et t'as eu les arguments. Par exemple, un mec comme Estrosi, le maire de Nice, hein, Sarkozy, il a dit mais quand même, machin. Donc le mec, il passe son temps à. Je sais pas, lui, un coup, il est au mur des lamentations, un coup, il lèche le cul des frères musulmans. Je comprends jamais rien avec ce mec-là. Alors lui, il dit oui, quand même, on peut pas aller contre les institutions de la France qu'on prétend gouverner, etc. Alors d'abord, Trump démonte l'inverse. Déjà, pour commencer, s'il y a des gens qui ont besoin d'une leçon de politique. Et comment dirais-je, Edozio, c'est quand même la démonstration qu'on ne peut rien foutre avec cette bourgeoisie châtrée. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Il faut déclarer une guerre totale à la bourgeoisie, mais c'est évident. Bah, quoi. Oui. Les corps intermédiaires de merde, il faut vraiment lancer une révolution nationaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Fillon, qui a été assez couillon pour miser sur ses trous du cul, mais lui-même en étant issu, finalement, d'une certaine façon... Ah oui, Ben non, mais en fait, oui, il a gagné, lui, en étant un petit peu en marge de son parti. Donc après, quand il a gagné la primaire, il a fallu qu'il fasse... qu'il arrange un petit peu tout le monde. Bon, qu'il ait un cadeau, ça, voilà. Le souci, c'est que maintenant, tous ceux avec qui il a essayé de s'arranger, ben, le lâchent, hein. Donc, comme c'est étonnant, effectivement. Oui, comme c'est étonnant. Alors, ce qui serait rigolo, hein, c'est que ce soit Juppé qui se présente contre Fillon. Donc, ah bah ça, deux, il va le recevoir son coup de couteau. Hein. Ouais, non, mais qu'il y ait les deux. C'est-à-dire qu'il y ait les deux en même temps. Alors après, faut... ça serait non, non, ça le donne. Retour de Juppé, quoi. Juppé ah bah, sur je sais pas, tout le monde a fait un comeback. Bah écoute, ça sent les îles de Mars, hein, quand même. Ça sent les îles de Mars. Je sais pas comment les gens font encore pour accorder du crédit à ça. Hein. C'est-à-dire quand on voit Juppé arriver, moi je me rappelle Juppé, j'étais gamin, quoi. Voyez, il a le mec avait déjà une gueule de croque-mort, quoi. Donc, j'étais en primaire, je me rappelle, il y avait Juppé. Ah oui, voilà. Donc, je sais pas comment on a fait pour pas l'enterrer, quoi. Il y a des urgences. Hein. Ouais, non, mais la médecine française, ça a fait beaucoup de progrès. Ouais, et ouais. Comment dire ouais, c'est The Walking Dead hein. Ouais mais ça fonctionne et en plus ils sont là dans les grands médias etc oh, il est à 27% etc tu sais genre le vieux centriste attends c'est de toute façon Fillon ça allait être Chirac numéro 3 mais alors Juppé là ça va être Chirac numéro 8 au cube tu vois c'est à dire que là il va rien se passer on va même je pense même que les glaciers vont arrêter de bouger je pense il va rien se passer un truc de dingue il va rien se passer Non mais bon. Bref. Par contre, on n'a pas trop parlé de l'autre là, mais Macron. Au niveau, tu parlais de Draghi et compagnie tout à l'heure. Bah, bref, cette semaine, je me suis forcé à écouter le matin RMC, la radio RMC. Oui, Draghi FM. Donc, oui. Waouh, c'est pornographique. Hein. C'est le bourdin, c'est genre parole libérée, ouais, etc. Ouais. Hein, mes couilles sur ton front. J'ai pas de maître. Pas de maître sauf mon employeur. Bon, à part ça, ça se passe bien. Ouais. Pas de maître, mais bon, comme par hasard, tout ce qu'il raconte, c'est très bien orienté dans le sens Macron. Quel bon enculé, ouais. Ouais, mais enfin. Moi c'est ça qui me fait un peu flipper mais bon à part moi j'aimerais bien pour rigoler tu vois un deuxième tour Marine Le Pen François Fillon comme ça ouais, ça serait surtout marrant. Que bah, je sais pas quelle est la cote de popularité de Macron mais il a vraiment une tronche enfin on dirait qu'il sort d'un spot de publicité corporate enfin c'est très c'est ça c'est le genre idéal tu vois mais en fait le truc c'est que il baisse ta femme. C'est un produit bien marketé par les médias. Il y avait, comment il s'appelle, la Canal Plus qui faisait une parodie, le message à caractère informatif avec des vieilles pubs d'entreprise. On dirait qu'il sort de là, ce mec. Je sais pas comment. Voilà. J'ai l'œil. J'ai l'impression qu'il. Alors, il a des traits physiques très douteux. Tu as remarqué une certaine. Il y a des choses douteuses. Douteuses. Un œil qui a tendance à descendre, n'est-ce pas? Voilà, et alors l'engouement d'Atali est un signe. D'Alain Menck aussi, hein. Je crois qu'il y a Alain Menck. Alain Menck, il est, voilà. Il est le fils d'un certain Jean-Michel Macron et d'une Françoise Macron Noguès. Alors, peut-être. Noguès est français, mais voilà, mais bon, peut-être que grand-papa ou grand-maman, tu vois. Ou alors maman est allée coucher avec le banquier, quoi. Voilà, c'est pas grand-maman qui l'a élevé, non? En mode directrice d'école, un truc comme ça. Ouais, ça sent bien le breton des Carpates, ça encore. Hein. Ouais. Enfin bon, chers amis, enchaînons toujours sur cette élection pestilentielle. Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, là, est visée par des enquêtes. Il y en a deux. Il y a l'histoire des emplois fictifs au Parlement européen. Je vous cite le point. Hein. Parce qu'elle refuse de se rendre à la convocation. Très habile d'ailleurs de Marine Le Pen et de ses conseillers. Marine Le Pen a été convoquée par les juges d'instruction en vue d'une possible mise en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistant du FN au Parlement européen. Truc commandité par Schulz, hein, le socialiste qui est candidat lui-même à la succession de Merkel. Hein. Donc vous voyez, on est toujours face au même client finalement. La gauche occidentale. Schulz qui a lui aussi, faut-il le rappeler. Oui, une tronche de Scandinave, oui. Hein, c'est comment il s'appelle le Viking comment Scandinave du Moyen-Orient. Hein. Andersen le Viking. Ouais, Andersen le Viking, exactement. Alors, mais elle a fait savoir qu'elle ne s'y rendrait pas. Ça, c'est appris de l'agence France Presse, de sources proches du dossier. Donc en fait, Marine Le Pen est poursuivie à deux titres. Alors vous avez vu, bon, elle a publié des tweets avec les crimes de l'État islamique. Alors ça montre la mauvaise foi vraiment de l'Assemblée européenne. Enfin, c'est sinistre. Ouais, de l'Assemblée et des juges. Oui, bien sûr, les magistrats ont demandé la levée, mais enfin de voir des parlementaires lever. Enfin, c'est vraiment ignoble. Parce qu'en fait, en France, elle serait poursuivie pour apologie du terrorisme. Imagine Marine Le Pen qui fait l'apologie de l'État islamique, ça fait marrer tout le monde. Mais c'est juste pour l'emmerder, etc. Mais c'est pitoyable. Franchement, c'est pitoyable. Sur l'affaire des emplois fictifs, si c'est vrai, personnellement, je trouve ça odieux. J'ai vraiment un problème avec la corruption, moi, de toute façon. Ah non, mais attends. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas de l'emploi fictif qui est reproché. C'est, en gros, d'avoir pris du pognon du Parlement européen pour son assistante parlementaire et que son assistante parlementaire bossait le plus souvent au siège du Front, donc à Nanterre, je crois. Hein. Ouais, mais donc les mecs ils doutent de savoir si c'est vraiment vrai le boulot fait. Ouais, quoi. Donc voilà, en gros, c'est pas de la corruption, quoi. Enfin, pour moi, la corruption, c'est quand tu. Ouais, t'as une entité privée qui va te filer du pognon en échange d'un service. Là, c'est pas que ça la corruption. Hein. C'est pas que ça. Bah, là, c'est. Ouais, bon, bref, là, c'est du. Non, la corruption est un phénomène assez large, je vois ce que tu veux dire. Corruption, toi, tu penses au pot de vin, c'est-à-dire j'achète un truc, voilà. J'entends bien, mais bon, enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je suis pas fan de Marine Le Pen, mais bon, c'est que les procès qui lui sont faits sont quand même assez. Je n'en sais rien du tout, mais enfin, moi, de toute façon, c'est une question de principe. Vraiment, là, franchement, je suis un pitoyable là-dessus. Je veux dire, un sou est un sou. Non, l'argent du contribuable et du travailleur ne doit jamais être violé par le moindre truand, en col blanc ou pas. Voilà. Alors ça, c'est une règle. Je reste un homme, un nationaliste de droite plébéienne. Donc mais j'ai pas dit qu'elle l'avait fait, j'en sais rien, je suis pas au courant du dossier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait l'écho avec le truc de Fillon, c'est une mise en examen encore qui tente très très bien, évidemment. Alors, ils font le forcing pour la foutre en examen juste avant l'élection. Hein. C'est ça qui se passe, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez vu, j'enchaîne toujours sur Marine Le Pen, les émeutes de dingue à Nantes avec les bus de militants FN oui pris d'assaut. Alors, il faut. Alors moi, j'ai vu ça rapidement, mais alors, ce que j'ai surtout vu, c'est l'autre. Le fils de diamantaire juif Cambadélis, président du Parti Socialiste, qui a fait une sortie pour dire que Marine Le Pen avait provoqué. elle avait provoqué mais en disant quelque chose, en faisant quelque chose, non, juste en le fait de se rendre à Nantes, c'était une provocation. C'est incroyable. Bon, alors, amiantés, vous êtes des nègres, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si Marine Le Pen allait faire un meeting à Bamako en voulant expulser les Maliens de Montreuil. Ben voilà, c'est Nantes, ouais, même par les socialistes, vous êtes mis au niveau des nègres, bravo. Là, c'était ces images-là. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Non, ça, on n'a jamais vu des militants, carrément les bus de militants arrêtés en plein milieu de la route. Il me semble qu'on n'a jamais vu ça en France, quoi. Non, mais ça fait penser au truc d'Astérix, quoi. C'est le petit village gaulois, mais là, c'est pas des Gaulois, c'est le... La ville d'extrême gauche où les mecs sont totalement. Ils sont totalement. Non, attention, attention. Alors, moi, je vais vous briefer sur l'affaire à Nantes. À Nantes, c'est tout sauf une affaire due au hasard ou à quelques éléments incontrôlés. Pas du tout. Ah, bah non, mais c'est tous les la mairie, de la, merde, mairie non, sociale, ou... la mairie socialiste, qui est gérée, je crois, par Roland, me semble-t-il, cette espèce de grognasse aussi. On me corrigera, hein. Ceux qui m'écoutent me corrigeront si je me plante. Les socialos de Nantes avaient déjà essayé d'empêcher un meeting de Marine Le Pen du Front National par le passé, avec succès. Et là, ils ont laissé faire. Et l'extrême gauche était là, mais comment vous laissez tenir un meeting? Évidemment, ils ont laissé tenir un meeting. Ils voulaient que le meeting se tienne. Pourquoi? Pour offrir à l'extrême gauche les moyens de foutre le cirque. Évidemment, le Parti Socialiste ne le dit pas en ces termes, etc. Donc, en fait, le Parti Socialiste... Il crée les conditions pour que les trucs se passent. Et ensuite, ils ont laissé nos amis gauchistes foutre la chiasse avec une idée très simple, c'est-à-dire, voilà, il faut que l'image générale soit de dire... reflète l'idée... que Marine Le Pen, quand elle se déplace, ça crée du chaos, ça crée de l'instabilité, c'est quelqu'un de dangereux, etc. C'est ce qui s'appelle aux États-Unis le no-platforming, c'est-à-dire le plateforme tu nies à l'adversaire même le droit ouais. de se déplacer, de venir s'exprimer, etc., etc., et par tous les moyens, c'est-à-dire en bloquant des bus, des machins, enfin... Et ouais. apparemment, ça se développe en France. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit ça, hein, parce que même. Ah, le... alors là, attends, Coco, je suis suffisamment versé dans l'affaire pour savoir comment ça fonctionne avec les mecs. Et je les connais, les groupes. En plus. Avec l'affaire Notre-Dame-des-Landes, ça fait des années, là. Même les socialistes, ils se font taper sur la gueule par ces mecs-là. Cambadélis disait même nous, on n'est pas allé là-bas, on avait, voilà, pour pas avoir de. De R et compagnie. Enfin, non mais attends, non mais il faut bien que tu comprennes un truc, ce sont des groupes qui sont aisément manipulables. Ça veut pas dire que les mecs, l'agenda des No Borders, c'est l'agenda du PS. Mais les mecs du PS sont très habiles, ils sont très malins, les mecs du PS, très très malins, faut pas les sous-estimer. Et ils savent très bien comment créer les conditions. Non, mais moi, je pense que ça sert aussi Marine Le Pen, qui était un petit peu dans un machin, dans un confort de gauche et compagnie. Elle a voulu un petit peu se droitiser. Ben, elle va à Nantes. Et donc, l'extrême gauche qui réagit comme des singes, ça ne le dessert pas non plus, hein, franchement. Moi, il y a des éléments qui sont très clairs. C'est-à-dire que les policiers disent, on sait très bien qui sont les éléments. Il y en a environ 300 sur Nantes. Très connu, identifié, on a les listes. Donc en fait, si c'était nous qui étions au pouvoir, les 300 cocos, là, ils seraient probablement en Guyane en train de faire du débroussaillage. Mais comme c'est un pouvoir tenu soit par des cocus de droite, soit par des enculés de gauche, les mecs, ils peuvent faire les petits malins, tu vois. Il n'y a pas de répression, tu vois. Et c'est pour ça que les mecs, ils font ce qu'ils font. Ils prennent en otage les mecs, ils arrivent sur les routes, les autoroutes, etc. Il n'y a pas d'interpellation ou si peu, etc. C'est voulu. Ouais, juste avant de passer au sujet suivant, je voulais juste dire que le cas de Nantes, et le cas de ces groupes d'extrême-gauche violents, qui sont entretenus, sur Rennes, je peux en parler, j'ai tellement d'expérience et d'informations, je peux le dire, sont des groupes qui sont entretenus intelligemment par les municipalités de gauche, et de gauche, le Parti Socialiste, etc. Pourquoi ? Parce que c'est leurs hommes de main, en quelque sorte. Et la bourgeoisie de droite, que vous avez compris, je ne porte pas réellement dans mon cœur, ces gens-là qui se couchent devant les gens de gauche, qui se couchent devant les journalistes de gauche, mais qui vont même au-devant de leurs désirs, sont des gens qui n'ont jamais compris que le pouvoir appartient à celui qui sait utiliser la force. Et ce sont les mêmes bourgeois de droite qui ont toujours lutté contre les nationalistes, toujours, avec un même unanimisme. Ils ont toujours été au-devant des désirs des juges rouges, etc., pour nous réprimer, toujours. Et ils en payent aujourd'hui le coup. Alors aussi, Fillon, je parlais de Fillon bien évidemment, mais aussi le Front National. Le Front National devrait faire très attention à la façon dont il s'exprime et dont ses dirigeants s'expriment vis-à-vis de groupes, je précise de groupes qui ne sont pas des groupes terroristes, on s'entend bien, hein, mais de groupes politiques ou de sensibilités qui ne sont pas nécessairement celles du Front National, pleinement et entièrement, mais qui évoluent non loin du Front National. Parce que, in fine, on a besoin d'avoir aussi des gens dans la rue pour répondre à ces groupes violents, comme on l'a vu. Non, mais en fait, c'est ça qui est... Enfin, c'est central, ce que tu dis. Mais c'est vrai que la droite... La gauche a un service d'ordre, c'est les antifas. Et ils sont dans la rue, il n'y a pas de problème. Ouais. Ils tapent, ils sont violents. C'est des emplois fictifs. Ouais, c'est des emplois fictifs. Combien de ces gens-là ne sont pas financés avec des emplois bidons dans les universités à l'année. Ouais, ouais. Et la gauche entretient encore le mythe du skinhead. Alors que c'est juste bidon. L'extrême droite, on la connaît un peu. L'extrême droite active et un peu violente qui tient le pavé, c'est une farce. Serge Ayoub, il a beau être un type très sympa, c'est juste une blague. Tu vois, y a pas de bande de skin qui se trimballe à Paris. Par contre, de temps en temps, t'as des antifas qui font le coup de main. Donc la gauche entretient ça très intelligemment avec des types comme Cambadélis, comme le juif Julien André. Mais ouais, il est. Si, oui, parce Marie... que la droite nationale passe son temps en réalité à saboter sa base, ce qui est, ouais, absolument, ce qui est absolument débile, effectivement. Et c'est là qu'on se retrouve. Alors là, on veut se normaliser, on veut se, ouais, dédiaboliser, on veut se rapprocher du pouvoir et faire monter les scores. Sauf qu'à la fin, on se retrouve avec personne dans la rue et on se fait, comment dire, on se fait blackbouler purement et simplement de l'accès à telle ou telle plateforme, etc. C'est ça, le no platform. Bah on se fait bolosser, quoi. Bah oui, il y a plus personne parce que ces gens-là, et effectivement, le Front National en est particulièrement coupable, ont passé leur temps à chier sur tous les groupuscules nationalistes un peu plus à droite qu'eux, un peu plus radicaux qu'eux, etc., etc. Et à la fin, il n'y a plus personne dans la rue. C'est ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils font baisser l'intensité de l'énergie. C'est ça, c'est du low energy, quoi. Low energy complet. Et ouais. Trump a montré qu'il faut être high energy. Ouais. On ne chie pas sur sa base, on ne récuse pas les gens plus radicaux que soi. Don't push to the right, hein. Don't push to the right. Voilà, au pire, on ne dit rien. Voilà, on n'en parle pas, on ne répond pas, on ne les connaît pas, on n'a pas envie d'en parler. Mais on ne passe pas son temps à faire la chose. Bah, je veux dire, le Front National, ce qu'ils ont emmerdé, je me rappelle, Benedetti et Gabriac. Ouais, c'était pas acceptable. Enfin, c'est la chasse aux sorcières à l'intérieur de l'extrême droite, quoi. C'est pas acceptable. Là, je veux dire, là, sur Benedetti, Gabriac, l'œuvre française et tout. Que le Front National se dise, voilà, on va normaliser, etc. Admettons, tu vois. Il y a des méthodes pour se faire. Et même s'il peut y avoir des différends, voire des contentieux, tu vois, il y a des méthodes. Et ce qui a été fait à l'égard de gens comme Benedetti, etc., est absolument inacceptable. Absolument inacceptable dans la forme et dans le fond. Parce que tu vas faire quoi? Pour aller embrasser qui? Pour serrer la main à qui? Même si les mecs en face, si Marine Le Pen trouve des gens qui veulent bien être adopter quelques formes... Ça va être des tièdes qui ne vont pas se retrouver dans la rue à la fin. Bah, au premier problème, tu te fais filloniser. Tu te fais filloniser. Les mecs, oh, on l'a pas vu, on connaît pas, on se tire. Tu vois, c'est, voilà, les mecs se cassent. Alors que on sait très bien que le premier carburant... C'est les convictions, tu vois. Et il faut savoir entretenir ça chez tes troupes, tu vois. Même si t'es pas sur la ligne des plus radicaux, c'est pas grave, mais je veux dire, d'avoir quand même le côté fidélité, tu vois. Le rapport direct, personnel, Et si on a dit plusieurs fois dans l'émission, enfin, si on s'est moqué fréquemment de la stupidité des stratégies du Front National, c'est en partie pour ça, parce qu'on connaît un petit peu ces histoires. C'est vrai que, enfin, c'est sur le long terme, c'est simplement du suicide, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Ce qu'a fait le Front National. Oui, c'est pas une critique pour dire du mal du FN, pour dire de mal de tel ou tel cadre. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire attention, cette façon de procéder vous paraît séduisante au premier abord, ce qu'elle peut être. Vous paraît ouvrir des portes qui vous paraissaient ne pas être accessibles. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, et c'est plus vicieux que ça. C'est une critique qui est faite d'ailleurs au Front National de très très longue date, c'est-à-dire de mépriser le terrain, de mépriser les, ouais, efforts locaux, etc. Je veux dire, ça date d'avant Bruno Maigret. Hein. C'est-à-dire que le Front est jacobin, mais même tellement jacobin que ça devient maladif. C'est-à-dire que les Jean-Marie Le Pen, il y a des gens au sein du Front qui ont dit à Jean-Marie Le Pen, il faut développer les bases, il faut développer les régions, il faut... Jean-Marie Le Pen, oh, vous m'emmerdez avec ces conneries, il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est l'élection présidentielle, quoi. Oui, pour lui, pour son ego. Effectivement, c'était le seul truc qui compte. Mais quand on raisonne au-delà d'une personne en termes de parti, non. N'importe quel village, n'importe quelle commune, n'importe quel département compte. Tous les départements comptent. Il n'y a pas une portion du territoire qui ne compte pas. Et il faut reconnaître qu'à Marine Le Pen a changé ça en partie, en tout cas. L'idée, elle a quand même compris qu'il fallait un enracinement, il fallait une machine, il fallait des militants, etc. Ça, ils l'ont compris. Ça, c'est un fait. Maintenant, au niveau de la formation politique, etc., ouais, on est loin du compte, on n'est pas sur une machine nationaliste, etc. Mais après, on ne peut pas non plus blâmer le Front National, parce qu'il y a une matière humaine qui est là. Je veux dire, on ne peut pas non plus dire c'est de la faute de Marine Le Pen, ou de je ne sais qui, ou de Florian Philippot, machin, s'il n'y a pas la matière humaine. C'est aussi l'époque et la population qui le veut. Hein. C'est un peu difficile, quoi. Mais enfin, bon, Voilà. En tout cas, on aura parlé de ça. Je pense que c'est un sujet qui méritait d'être traité. On va voir comment les choses évoluent, que ce soit pour François Fillon ou Marine Le Pen. Bon, moi, je suis confiant pour Marine Le Pen. Je pense qu'elle va faire quand même un score assez raisonnable. Elle a un socle. Je pense que les affaires judiciaires ne vont pas du tout affecter Marine Le Pen, voire au contraire. Ce qui n'est pas le cas de François Fillon. Il positionne un candidat anti-système, mais en fait, c'est un candidat du système qui ne peut pas se mettre à dos la bourgeoisie et la magistrature. Alors que Marine Le Pen et le Front National est un parti qui se positionne comme anti-système et à ce titre-là, peut se permettre d'apparaître comme hostile aux institutions. Tu vois, le côté un peu révolté, rebelle, quoi. Qu'à Trump aussi, hein. Alors que chez Fillon, ça le sanctionne direct chez la bourgeoisie, quoi, à mon avis. Quoi. Et d'ailleurs, je crois que ça me le trouble chez eux aussi. Bah, quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou on enchaîne? Ouais, ce qui serait rigolo, ça serait que Juppé se présente contre Fillon. Non. Et, ah ouais, mais qu'il se présente et que Fillon reste, tu vois, qu'il reste. Et que, les deux, enfin, Fillon perde et puis qu'il appelle à voter Marine Le Pen. Là, ça serait rigolo. Ouais, non. Le Père Noël, quoi. Ah bah ouais. Ouais, là, t'es ambitieux. C'est bien, j'aime les gens qui rêvent, bah, qui ont des grandes idées. Bah écoute, en tout cas, il a tous les notables là, qui sont en train de lui craquer dessus. Donc, ma foi, pourquoi pas. Hein, c'est étonnant. Oui, un mec énervé, c'est pas ce qu'il peut faire. Quoi. Alors, thème suivant, les gars, Varg Vikernes et sa vidéo sur la solution, elle s'intitule la vidéo, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui comprennent l'anglais, je pense qu'il y en a un certain nombre quand même, qui suivent aussi Varg. Alors, je précise, hein, moi, personnellement, j'ai de l'affection pour Varg, je veux dire, je vais pas dire que c'est un mauvais mec, pas du tout. On a envie qu'il guérisse, quoi, je veux dire. Alors Varg, il nous a pondu une vidéo. C'est bien parce que Varg, il apporte des trucs dans le débat. Je veux dire, t'es pour, t'es contre. Bon, au moins, il y a un débat. Ça vient d'un milieu assez original. C'est vrai, c'est le milieu néo-païen. Ben, moi, j'ai rien contre les néo-païens d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qu'il nous dit. C'est pas la dernière, mais c'est une des plus récentes. C'est la solution. Il dit en gros, je résume à grands traits. Hein, si vous voulez la regarder, vous allez sur sa chaîne YouTube, Tulane Perspective. Donc la perspective de Tulé, dans laquelle il explique en gros, voilà, l'homme blanc et sa technologie ont déséquilibré la nature, l'environnement, comme on peut dire aussi, de quoi découle au bout d'un moment des migrations de masse, et finalement, est-ce que les migrations de masse n'est pas une réponse de Mère Nature contre l'homme blanc et son approche prométhéenne pour en finir avec son parasitisme, sa façon d'exploiter les océans, la terre, les forêts, etc., et de tout détruire, en étant d'une certaine façon aveugle. Alors, donc, il en vient un petit peu au bout du raisonnement, à dire, ouais, après tout, et si l'invasion des nègres n'était pas une solution au problème blanc ? Bon, je caricature un peu, mais c'est un petit peu quand même ce qu'il a dit. Allez, Fred. Oh, pourquoi moi tout de suite? Je sais pas. Non, mais bon. Déjà, il y a quand même un petit fond de vérité dans l'idée que l'invasion des nègres sera une solution, au moins au sens où ça va certainement permettre une certaine reprise de la conscience raciale chez les Blancs. Donc bon, c'est pas ce qu'il dit. Oui, non, mais... Bon, je disais dans cette idée que la solution peut être... Ah oui, mais effectivement, lui, il est plutôt dans l'envahissement total par les nègres pour remettre à zéro le compteur avec Dame Nature, n'est-ce pas? Alors, c'est la minute jeu de rôle païen, Gaïa, tout ça, hein, sans vouloir être méchant. Parce que c'est quand même... Bon, moi, je veux bien qu'on... raconte ça, mais c'est quand même un argument qui est vu, revu et même convenu, puisque je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de films hollywoodiens, sur la technologie des méchants occidentaux qui martyrisent la nature, qui vient reprendre ses droits, alors d'une façon ou d'une autre, on peut être plus ou moins imaginatif, donc avec une invasion de nègres, pourquoi pas, je veux dire Walking Dead, hein, voilà. Walking Nègre. Alors, est-ce que Hollywood, en fait, milite pour le néopaganisme, contre la technologie blanche, je sais pas, tu vois. Bon, ensuite, ça se base sur l'idée que, comment dire, que les nègres, les boucaques, je sais pas, peut-être un petit peu moins, mais que les nègres ne font pas ça, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de mal à la nature. Il dit exactement que les nègres ne créent pas de technologie. Oui, les nègres ne créent pas de technologie. Alors, c'est quand même un petit peu un. Comment dire c'est... Une, bah, c'est normal. C'est fallacieux. C'est fallacieux. Les nègres créent du nègre. Donc, effectivement, moi, je voilà, peux assimiler voilà, la technologie aux nègres. Oui. C'est-à-dire que, avec ou sans technologie, c'est-à-dire que tu peux lui donner de la technologie aux nègres, ou tu peux ne pas lui donner. Mais de toute façon, ils créent des poubelles. C'est-à-dire que les nègres. Que tu leur donnes l'électricité ou pas, que tu leur donnes ceci ou cela ou pas, de toute façon, ils créent des décharges. Leur attitude, leur traitement des animaux est absolument, enfin, du point de vue européen, dégoûtante. C'est la même chose d'ailleurs avec les sémites, en règle générale, avec les arabes, avec les juifs. Enfin bon, le rapport aux animaux de ces races-là, du point de vue européen, c'est, enfin, on comprend pas, quoi. Hein. Donc qu'on leur donne de la technologie ou pas, penser que ces gens-là ont un plus grand respect, n'est-ce pas, pour Mère Nature ou je ne sais quoi, c'est juste complètement débile. Il leur a pas prêté ça, hein. Il dit simplement de facto. Oui, de facto, oui. De facto. C'est-à-dire que les nègres, en fait, sont trop... Non mais, c'est ça, c'est-à-dire que les nègres, en fait, sont juste trop cons pour faire du mal. Donc... Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, à la nature. À la nature. Parce qu'effectivement, mais même ça, je trouve que c'est un argument fallacieux, puisque les nègres sont tout à fait capables, avec ou sans technologie, de foutre la merde à peu près partout, quoi, hein, et de faire caca. Moi, ce que je dirais, c'est bon, il a pas tort sur un point, c'est-à-dire que l'homme blanc lui-même est au début de son développement, en fait, et il a fait des acquis, il a réalisé des acquis technologiques absolument considérables. Dont je pense effectivement il n'a pas la sagesse nécessaire pour les maîtriser. Oui, mais je veux dire, c'est pareil. Attends, que... simplement. Et il n'a pas la sagesse nécessaire pour les maîtriser. Et à ce titre, il les a par exemple introduits en Afrique. Ça a créé des dérèglements au niveau de la démographie, par exemple avec la vaccination. D'accord là-dessus. Ouais, mais c'est une responsabilité. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire à Varg Vikernes. Tu racontes n'importe quoi quand tu dis ça, parce qu'effectivement, si l'homme blanc n'avait pas fourré son nez en Afrique et n'avait pas eu cette idée complètement débile de vacciner les nègres, qui par ailleurs se portaient très bien jusqu'à ce moment-là, on n'aurait pas un dérèglement démographique complètement délirant qui n'est pas prêt de s'arrêter, si on en croit d'ailleurs les courbes démographiques. Oui, non mais d'accord, mais là-dessus, on est d'accord. Mais prétendre que les nègres sont l'invasion de nègres est la solution à ça, si tu veux, ouais. c'est faire non, un non, pas attends, de quand plus. Il dit solution, quand il dit solution, il dit c'est la nature étant réglée comme un tout, tu peux jamais déséquilibrer quelque chose sans te prendre un gros coup de bâton dans les oreilles derrière, tu vois. Et il dit voilà, vous avez voulu faire les malins, en gros c'est ce qu'il sous-entend. Voilà, les nègres se multiplient comme des lapins, ils débarquent chez vous et ils vont vous détruire parce que vous avez été des gros cons. La technologie peut très bien faire le contraire. Et aussi. La nature. La technologie aussi. Peut très bien réduire les nègres à leur population normale. Oui, c'est l'argument. Non, mais c'est l'argument des amoureux de Gaïa. C'est les écolos, hein, c'est les écolos. Oui, c'est ça, c'est les écolos, c'est-à-dire qu'ils ne voient en fait que les utilisations néfastes et moralement douteuses de la technologie, alors qu'en fait, c'est comme le débat sur les armes à feu. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui pensent que les armes à feu tuent, alors qu'en fait, c'est la personne qui est derrière, qui appuie sur la gâchette qui tue. Et donc, si la personne qui est derrière, effectivement, une personne au caractère est un criminel, une personne moralement... déréglée, etc., elle va en faire n'importe quoi, elle va devenir un criminel endurci, etc., etc. Mais la technologie, effectivement, peut tout à fait contribuer à préserver l'environnement, à empêcher les nègres de se reproduire, etc., etc. Et je veux dire, si on veut aller dans le débat du « oui, alors vous avez introduit des technologies », alors vous, déjà, tu sais, il parle aux blancs, genre, lui, il s'exclut, tu vois, il est dans sa forêt, tu vois, à faire caca dans ses toilettes sèches et tout, et comment dire. Pourquoi ne pas revenir sur le... la technologie en disant ça c'est méchant, c'est satanique, hein, un peu en mode Salim Laibi de Scandinavie, quoi, et tout jeter à la poubelle d'un coup d'un seul. Pourquoi ne pas revenir sur l'utilisation du feu, hein? On peut refaire la guerre du feu et dire que le feu, finalement, par exemple aux États-Unis, dans certains États, c'est un gros problème, il y a des feux de forêt qui s'étendent, on détruit mère nature, etc. Alors est-ce qu'il faut interdire l'usage du feu? Jusqu'où est-ce qu'on revient en arrière, Varg? Où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire, on peut... il faut revenir en arrière sur quoi? Sur... Alors, il parle des centrales nucléaires. Quoi? Les voitures, les automobiles, l'électricité, peut-être? Et puis, on va jusqu'où, en fait? C'est-à-dire que c'est ça. On revient en arrière jusqu'où? Est-ce qu'on arrête l'élevage des animaux parce que, même à l'ancienne, quoi, les mettre dans des... Comment dire? Dans des enclos, déjà? Est-ce qu'on dérègle pas un peu? Enfin, c'est... Je veux dire, c'est un argument qu'on peut pousser, on peut pousser tellement loin, et puis au final, on ne sait pas vraiment où est le curseur, quoi. Oui, il y a ça. Et alors, deuxième point, c'est que si tu t'amusais à faire ça, imaginons, ok, on accepte tous, parce qu'en fait, là, l'imagerie, qu'il y a, enfin, dans l'argumentaire de Varg, il y a un peu l'idée tiers-mondisante, écologisante. J'ai un peu envie de dire, voilà, le côté on aime bien les Indiens avec des plumes dans le cul, quoi. Bon, c'est un petit peu ça, l'histoire. Oui, oui, oui, il y a quelque chose. C'est le mythe du bon nègre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est voilà. C'est le voilà. Bon nègre qui vit en osmose avec la nature. Oui, c'est le mythe du bon sauvage, etc., qui rejoint les idées de gauche. Bah ouais, non, mais je veux dire, le nègre, effectivement, comme l'a dit dans l'évier, tu le mets dans la nature. Il vit, certains nègres vivent dans des environnements qui sont juste richissimes en Afrique. Il y a des ressources naturelles en crevée. Et ça fait des dizaines de milliers d'années que les nègres sont là. Non, mais lui, pour lui, c'est bien ça. Non, il t'explique. Il a fallu attendre l'arrivée de l'homme blanc. Parce que précisément, il ne cherche pas à modifier leur environnement et à le maîtriser. Parce qu'il n'y a pas la dimension prométhéenne du truc. On n'a pas la capacité. C'est pour ça qu'ils sont bien. C'est pas une question. Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais il serait d'accord avec toi. Il dirait simplement que le problème fondamental. Et c'est ça. Et alors là, on touche à un point sensible. Il dit le problème de la race blanche, c'est qu'elle est prométhéenne. C'est ça que nous dit Varg Vikernes. Il y a un problème. Moi, je veux bien, mais elle est prométhéenne. C'est qui a lancé la problématique de la nature à préserver? C'est l'Europe. C'est les Européens. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais après, lui, il te dira, bah oui, mais c'est normal, parce que c'est une prise de conscience d'un problème qu'on a créé nous-mêmes, tu vois. Le nègre, il en a plus. Mais ce que je veux répondre, ce que je veux dire, je veux juste bouger sur un truc, je veux dire, le problème dans son raisonnement à Varg Vikernes, c'est si on partait du principe que seuls les Blancs détiennent cette technologie qui serait destructrice, ce qui aujourd'hui, évidemment, est faux. Combien de pays sont aujourd'hui des puissances nucléaires, civiles ou militaires? Combien de pays dans le monde qui ne sont pas des pays blancs ou occidentaux disposent de structures, d'infrastructures polluantes? On pourrait citer la Chine, pratiquement 1,5 milliard de gens. Comment on va faire? On va aller leur dire, les gars, les Chinois vont tout régler, accepter. En harmonie avec la nature, quoi. Voilà, non, mais c'est pour ça que ce truc est complètement débile. C'est-à-dire que c'est ethnocentré à un point, c'est pas possible. On dit, voilà, les Blancs, la technologie du 18e, 19e siècle, elle a été inventée par les Blancs, mais elle a été reprise depuis par beaucoup d'autres populations, l'électricité, le nucléaire, pour pas citer le reste. Oui, c'est aussi complètement débile de penser, parce qu'il dit, oui, on n'aurait pas dû leur donner, etc., mais avec les conditions, même au 18e ou 19e siècle, c'était incroyable de penser que la technologie n'allait pas se diffuser, que les découvertes n'allaient pas atteindre d'autres peuples, etc., etc. Donc, je veux dire, il n'y avait pas d'autarcie parfaite possible. Bien sûr, c'est comme la poudre noire. La poudre noire vient de Chine. Les enculés de Chinois, ils doivent mourir par mère nature. Après, la papeterie. La papeterie aussi. C'est des techniques qui viennent de très très loin. Il faut quand même dire que la l'écriture médecine. L'écriture et la radio, ça vient pas d'Afrique. La médecine en Afrique, les voies ferrées en Afrique, les routes en Afrique, c'est les connes français qui sont allés foutre ça là-bas. Il fallait pas. Ben, moi, j'ai juste une question par rapport à tout ça, c'est-à-dire son argument, c'est-à-dire façon, ses idées, qui sont, je veux dire, elles sont déjà présentes massivement jusque dans les productions hollywoodiennes, dans la culture de masse qui est servie en Occident. Donc, quand Varg fait sa vidéo en pensant, si tu veux, être un éveilleur des consciences, un néo-païen philosophe, mais Varg, à quoi ça sert? À quoi tu sers? C'est-à-dire que tout le monde a déjà sorti cette même soupe, et d'ailleurs, concrètement, si on veut répondre à cette question, à quoi ça sert? Ça sert à faire la promotion du communisme racial, c'est-à-dire de laisser leur part, parce que nous, il faut qu'on se retire dans la nature et qu'on soit respectueux, etc., pendant que les autres vont continuer à faire n'importe quoi de toute façon, parce qu'eux, ils n'en ont rien à branler de la nature, de la préservation des animaux, etc., j'en sais rien, hein, on peut énumérer les sujets. Donc ça sert à promouvoir le communisme racial, à laisser les ressources qui sont déjà là, qui sont déjà présentes, déjà disponibles, à tous les peuples de nègres, de métèques, etc., et qui vont s'en servir. Pourquoi ? Pour faire caca partout et pour faire de la poubelle partout. Je veux dire, à quoi sert ce discours en fait, à empêcher la seule race qui a un début de prise de conscience du besoin de préserver l'environnement, qui sont les Européens. Je veux dire, là-dessus, on est les seuls. Hein, je pense, bon, peut-être les Japonais, je ne sais pas, mais c'est pas très répandu. C'est-à-dire, ça sert seulement à réduire la seule race qui a vraiment une conscience de ce problème. En fait, à faire caca dans les toilettes sèches dans la forêt. Et je vois pas vraiment l'intérêt de tout ça. Et d'autant plus, comme je dis, c'est déjà présent massivement dans la culture populaire. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent avoir inventé ou qu'est-ce qu'ils pensent stimuler comme réflexion avec ça ? Enfin, c'est le problème, disons que le truc, c'est que le Varg, moi j'aime bien Varg, okay, le mec il essaye d'appliquer ses idées. Je peux pas en vouloir à un gars qui essaye d'appliquer ses idées, c'est impossible. C'est pas un mauvais bougre, il y a des gens qui lui reprochent beaucoup de choses d'ailleurs. Mais bon, je pars du principe, le mec essaye de faire bouger les lignes, donc ça c'est bien. Il essaye de faire bouger les lignes, il peut se gourer, tout le monde a le droit de se planter, et personne n'est parfait, c'est impossible. Donc ok, ça c'est cool. Par contre, t'as bien pointer du doigt le problème, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, objectivement, où tu te situes ? Ton action sert à quoi ? Recycler les vieilles lunes de la gauche dégressive écologiste, ça sert à quoi ? Retaper les vieux refrains, tiers-mondisant Trotsky, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Donc son truc, ça sert objectivement, strictement à rien, si ce n'est à rajouter par la droite néo-païenne un soupçon de culpabilité raciale. Le truc dont on avait vachement besoin. Dans nos milieux qui... Ben en fait, c'est le problème, c'est que Varg, quand il fait ça, il empoisonne le puits. Il ne renforce pas nos gens. Il arrive, il dit, ouais, mais tu vois, donc les gens qui vont vers nos idées, ils vont dire, ouais, mais peut-être que finalement, c'est de la merde aussi. Ils sont perdus. Tu vois ? Et pour les raisons qu'on a dites, en recontextualisant comme on a dit, attendez les gars, avant de chialer sur la technologie blanche, regardez comme fonctionne l'Europe aujourd'hui. Je veux dire, je parle pas de l'immigration. Hein. Je parle... Il y a eu des graves trucs qui ont été commis contre l'environnement en Europe, mais ça a été commis au XXe siècle, quand on avait des gens qui n'étaient pas conscients du tout. Moi, ce que j'observe aujourd'hui au XXIe siècle, par exemple, le nombre de chasseurs, vous savez, les chasseurs à la con qu'on connaît. Enfin, mon père était chasseur, par exemple. J'ai rien contre les chasseurs qui le font pour se nourrir. Par contre, j'aime pas les gens qui aiment chasser pour le plaisir de tuer. Ça me dérange beaucoup. Pour se nourrir, c'est très différent. Si vous avez envie, voilà, j'ai envie de manger du faisan parce que j'aime bien le faisan, je vais aller chasser un faisan, bah, pourquoi pas, tu vois. Par contre, les mecs qui... Les sangliers, il y en a quand même beaucoup, hein, je sais pas. Voilà, non, attention, bien sûr. Mais s'il y a un nuisible, il faut le contrôler. Et ça, on le sait très très très bien, n'est-ce pas? Mais je veux dire... Bon voilà, enfin c'est une sorte d'approche globale et je trouve que en faisant ça, ça aide pas, ça renforce pas, ça affaiblit. Et je connais toutes ces théories parce que je les ai connues. Enfin, en plus, je vois bien Cocopelli, etc. Je connais tous ces milieux d'extrême gauche avec des gars de chez nous qui sont cohérents, enfin qui va être cohérent, hein. Protéger les semences anciennes, etc. C'est bien, il y a pas de problème, c'est très très bien. Mais il ne faut pas affaiblir notre peuple. Il ne faut pas l'affaiblir, il ne faut pas lui envoyer des signaux qui sont des signaux morbides. ou qui peuvent être interprétés comme morbides. Et j'ai l'impression que notre ami Varg, parfois, méconnaît un peu le côté contextuel du truc. C'est-à-dire qu'il a peut-être des trucs personnels à se reprocher aussi, tu vois, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je il a peut-être un historique personnel un peu sombre qui l'amène à des conjectures un peu morbides. Hein. Je ne sais pas, si tu veux nous en dire plus. Non ? Non, bon. Mais je pense qu'il a, il a eu des expériences qui peut-être... voilà. Tu veux parler de la culpabilité Oui, oui, oui. Non, je pense que Varg projette un petit peu, parce que bon, là, c'est vrai qu'il fait des réflexions philosophiques dans les grandes largeurs, mais je pense qu'il projette quand même pas mal sa culpabilité personnelle. Hein. Ouais, enfin bon, il est chrétien, il n'est pas chrétien. Donc, si on a foutu de la culpabilité... Bah là, pour le coup... Non, mais attendez, les gars, la culpabilité, c'est pas un chrétien. Hein, là, pour le coup... C'est vrai quand même qu'il a envie de porter une croix. Oui, mais la culpabilité, les gars, c'est pas chrétien exclusivement. La culpabilité, dans toutes les sociétés, il y a des coupables. Et dans toutes les sociétés, il y a des remords. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est bon, moi, ce que je constate, c'est que ce mec-là, bon, qu'est-ce qu'il fait à part construire sa cabane dans les bois, sa bade, etc. Donc pourquoi non, pas. Non, il a une maison, il n'a pas de cabane. Il a une maison. Oui, d'accord. Bon, bah, et il vit de. Alors, il vend sur Amazon, si vous regardez ses productions, il y a quelques bouquins qu'il a écrits sur la mythologie nordique, etc. Et puis, il vend principalement, il a créé un jeu de rôle. Alors, il y a plein de bouquins comme ça, il vend de jeux de rôle. Donc, moi, je pense que Varg, il devrait peut-être faire une réorientation de carrière et puis arrêter un petit peu la philosophie néo-païenne à la con. Parce que quand on retrouve ce que tu dis dans tous les films hollywoodiens financés par des gros youpins, si tu veux, peut-être que tu t'égares un petit peu, hein, et puis se concentrer sur sa production de jeu de rôle. Peut-être que c'est sympa son jeu, je sais pas moi. Donc s'il y a des gens qui veulent aller acheter son jeu de rôle, bah, vous allez sur Amazon et voilà. Soutenez Varg Vikernes, producteur de jeux de rôle. Ouais, putain. Ouais, c'est un peu méchant. Mais bon, c'est la parole libre hein, sur l'émission. Tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bah, je sais pas, je trouve que c'est faible quand même. Quoi. Il passe son temps. Maintenant, en ce moment, c'est un peu... C'est comment dire, c'est un peu la posture... sur 4chan, Varg est un mème. Ouais, ouais, bah, c'est un peu la posture contrariane, tu vois. Donc, il sent qu'il y a un mouvement nationaliste, large, racialiste, etc., qui monte. Et lui, il veut se poser un petit peu en voilà, je suis le gardien, je suis le garde-fou, etc. Le patriarche, quoi. Ouais, voilà, tu sais, il veut être le mec qui se place toujours au-dessus, tu vois, au-dessus du débat. Genre, lui, il voit plus large, etc. Sauf qu'en fait, oui, il ressasse juste les vieilles lunes de l'extrême gauche, quoi. Donc, c'est alors, pas... Alors, ça marrant, ça fait penser, tu sais, à qui? Ah, je sais pas. Un mec dont le nom commence par. À Alain et fini par De Benoît. Ah, c'est vrai aussi. Oui. Ouais, ils sont pas mal comme ça en France. Ah, c'est hein. Marrant. Ouais. Pour être novateur à droite, il faut raconter les conneries que raconte l'extrême gauche. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une sorte de malédiction qui fait que beaucoup de gens de droite finissent par raconter la même chose que les gens de gauche de la décennie d'avant, quoi. Donc. Le spectre de la droite communiste qui nous hante tous, malheureusement. Bon, bah, chers amis, on va se quitter là-dessus. Bah, la semaine prochaine, les amis. Ah, bah, la semaine prochaine, et ne vous laissez pas trop bercer par l'optimisme de Varg Vikernes, n'est-ce pas? Allez, à la semaine prochaine.